إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نزلنا مع دروس العقيدة مع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام عليه رحمة الله وشرحي ولشرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. في الدرس الماضي يعني نحاول أن نراجع بعد ما ذكرنا في الدرس الماضي، تكلمنا عن حوالي خمس نقاط في الإيمان بالله سبحانه عز وجل. فقلنا في المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. On avait dit qu'il y avait 5 points essentiels ou les 6. On résume شوية pour se souvenir un peu avant de commencer le nouveau. On avait dit que il faut croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. En ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit et en ses noms. On avait dit qu'il était impossible que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas de nom ni d'attribut. C'est impossible. C'est impossible que ça soit une entité, yani zat. Zat, mujarrada'an sifat. Mujarrada'an asma sifat. C'est impossible. Non, ça, yani c'est inconcevable et c'est impossible. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus beau, c'est le plus. Yani, il a tous les attributs qui sont parfaits. Et tous les jolis noms et tous les jolis noms. Donc dans le premier point, on avait dit cela. On avait dit que il est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala soit une entité qui n'est ni nom ni attribut. Ça c'est impossible. Dans le deuxième point, on avait dit que les noms de Allah subhanahu wa ta'ala et aussi ses attributs, ce sont des choses qui relèvent du domaine de l'invisible. Ce ne sont pas des choses qu'on peut connaître avec notre culture générale, ou bien avec notre niveau, ou bien avec notre intelligence, ou là avec notre génie. Ce sont des choses qu'on ne peut connaître que si on connaît Allah subhanahu wa ta'ala de par ses livres et de par ses prophètes alayhim wa la nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. Il est impossible que quelqu'un, malgré le degré d'intelligence qu'il a, il est impossible que de lui-même il puisse décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme ça de lui-même. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala a ceci, cela, a ceci, cela, il s'appelle. Moi je dirais un exemple très simple. Une personne que je ne connais pas, vous allez m'emmener. Une personne que je ne connais pas devant moi, dites-moi devinez son nom ou son prénom, je ne pourrais pas. Je dirais peut-être Omar, on me dirait il s'appelle Abdelrahim. Je dirais Aziz, on va me dire Abdelkader, et comme ça. Alors, une personne qui est comme moi, qui a été créée comme moi, ne peut pas connaître son nom. Alors, en même temps, je ne peux pas connaître comment elle est faite et elle est décrite si je ne l'ai jamais vue. Alors, comment gagner si que quelqu'un puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms et ses attributs comme ça, de sa tête. C'est le deuxième point. On a dit que c'était impossible. Il fallait quoi? Il fallait le Coran. Il faut le Coran et la Sunna ou bien gagner les livres précédents par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et on avait donné les délits aussi de cela, et on a parlé très longuement sur ce point aussi. Le troisième point, on avait dit que إِنَّنَا لَا نَصِفُ اللَّهَ تَعَلَى بِمَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ. Jamais on ne peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala d'un attribut dont il ne s'est pas décrit. Jamais on ne peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala d'un attribut dont il ne s'est pas décrit. Par exemple, quand on dit qu'il a deux mains, qu'il a des yeux, deux yeux, qu'il a des pieds, deux pieds, qu'il rit, qu'il s'étonne, qu'il aime, qu'il déteste. Tout cela, il faut qu'on ait à chaque fois un délil pour dire cela. Il faut toujours un délil pour dire une chose pareille. Et qu'on ne peut jamais ajouter quelque chose si on n'a pas un délil. On ne peut jamais ajouter quelque chose, ni dire yani, un mot à la place de l'autre qui lui ressemble. Même s'il lui ressemble, on ne peut pas dire. Même s'il lui ressemble, on ne peut pas dire. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, on dit ya'lam, ya'lam. Ça, mais on ne peut pas dire ya'rif, ya'rif. On dit ya'lam, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam. Donc ça se ressemble un peu, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne peut pas mettre un mot à la place de l'autre. On doit seulement dire ce qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith. C'est tout. Et il y a beaucoup d'exemples en ce sens aussi. Ensuite, dans le quatrième point, on avait dit que il faut que chaque attribut, il faut yani, ne pas le déformer de son sens. Chaque attribut, on le prend comme il est. Comme il est. On ne déforme pas de son sens et on dit Allah a dit cela, mais il voulait dire cela. Ça, il n'y a pas dans l'islam. On ne dit pas dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit cela, mais il veut dire cela. Il s'est décrit qu'il était beau, alors, lorsqu'il a dit Allah Jamil, mais il ne veut pas dire la beauté. Il veut dire par exemple qu'il est Rafour ou là, qu'il est Rahman, Rahim. Ça ne se fait pas, yani, chez Salaf, ça ne se fait pas. Seulement, ils disent que, yani, comme est venu, l'attribut, on le laisse. Comme il est venu, on ne le déforme pas. J'ai donné comme exemple, lorsque l'Azawajal parle de par exemple, Ghadab, Ghadib Allahu alayhim, le courroux, l'Azawajal est en colère contre ceci, contre celui qui fait ceci, cela. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit le courroux. On ne dit pas, comme disent les autres, c'est le châtiment. Car l'Azawajal, quand il est en colère, il châtie. Donc, par le colère, il a voulu dire ce qui implique. C'est-à-dire, il a voulu dire que c'est le châtiment. On dit non, c'est pas vrai. Le châtiment, c'est autre chose. Allah Azza wa Jalla châtie, mais il a aussi le colère qui est sefa, la colère, le courroux qui est sefa. C'est un attribut. C'est un attribut en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, lorsqu'il dit le farah, en Allah subhanahu wa ta'ala, yifrah bi tawbati l'abd, etc. On ne va pas dire c'est tawab. Le farah, ça veut dire il va donner des hasanat, etc. Il va faire entrer quelqu'un au paradis. On dit non, ça c'est autre chose. Allah donne des hasanat, fait rentrer les gens au paradis. Mais le farah, c'est un attribut, yifrah. Ça, c'est autre chose. Il faut yani, maintenir cet attribut et dire que Allah subhanahu wa ta'ala yifrah. Ensuite, maintenant, je crois que c'est le nouveau na'am. Maintenant, c'est le cinquième point. Le cinquième point, il a dit « Umumu kalam il mu'allif yishmalu kulla ma wasafa Allahu bihi nafsah min sifat dhatiyya ou sifat kaliyya. » Il a dit, ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, dit tout ce qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah est valable pour les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala de l'acte et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala de son essence. Il a dit tout ceci est valable pour les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, l'essence, yani le zet ou l'acte, ou sifat, et les attributs. Pardon, monsieur. Pardon. Non, sifat. Il a dit, yani c'est valable pour Zet, Sefet Zet, et c'est valable aussi pour Sefet Feria. Donc c'est valable pour les attributs de l'acte, de l'essence et les attributs de l'acte. Non, c'est valable pour les deux. C'est pas seulement pour les attributs de l'acte. C'est aussi pour les attributs de Zet, l'entité de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, Sefet Zetia. Donc maintenant, on va faire une petite différence. On l'a dit ça mille fois, et on le répète, ça ne fait rien. On l'a appelé, il faut toujours répéter pour que ça s'ancre dans le cœur. Il va montrer maintenant que ce serait fait, les attributs se divisent en plusieurs parties. Mais l'une des principales parties, c'est fait Zatiya, les attributs de l'entité, et c'est fait Fi'liya, et les attributs de l'acte. On va voir maintenant à peu près quelle est la différence entre les deux et dire aussi d'autres choses. Il a dit, فالصفات الذاتية هي التي لم تزل ولا يزال متصفا بها وهي نوعان. Pour pouvoir faire la différence entre les attributs de l'entité, de l'zat, les attributs de l'essence, et les attributs de l'acte ou des actes, de fi'l, il faut que vous sachiez où la hadith, ça va venir, ça va venir Adam. Il a dit, les attributs, pardon, les sifats, il a dit les attributs de l'entité, les attributs de l'entité, comment on sait que cette chose, cet attribut est un attribut de l'entité. Il a dit, c'est l'attribut qui est toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours en lui. Il ne se sépare jamais de lui. Il ne se dépasse jamais de lui. Un attribut. On dit que cet attribut est un attribut de l'essence. Yani c'est à tout l'être. Et là, لم يزل مع الله سبحانه وتعالى ولا يزل متصفا بها. Il est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala et cet attribut ne se dépasse jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, on dit cet attribut est un attribut de l'être. De l'essence. Il a dit ça, les attributs de l'essence, ça se divise en deux. Il y a les attributs de l'essence, le ma'nawiya, c'est-à-dire de la raison, de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'entité, il y en a que, yani, avec la raison, on peut les soutenir. Par exemple, il a donné un exemple, par exemple, le hayat, la vie. Quand tu raisonnes, il est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vivant. Donc, la raison a, yani, la raison, elle a son rôle dans les attributs de l'entité de ce premier groupe. C'est, yani, ça se base un peu sur la raison. La raison, yani, elle a un rôle. Tu dis par exemple l'ilm, le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala est ignorant. Ma'adallah. Tu dis le qudra. La puissance. La zavul, avec ta raison, tu dis ça, il a la puissance. Le hikma, la sagesse. Et ainsi, et beaucoup d'attributs. Et vous voyez que ce sont des attributs de quoi? De l'essence. Ils sont toujours avec Allah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, il a été sans vie? Ma'adallah. Il a été sans ilm? Ma'adallah. Sans puissance? Ma'adallah. Sans hikma? Ma'adallah. Donc ce sont des choses qui ne se détachent pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle les attributs de l'entité. Et ils se divisent en deux. Il y en a un groupe qui se base sur la raison. Et le deuxième groupe, khabari. Et ça s'appelle aussi sam'i. Ça s'appelle naqli. C'est un peu difficile de dire en français, mais le deuxième groupe des attributs de l'entité, ce sont des attributs qu'on ne peut connaître qu'avec un texte. C'est-à-dire un verset, ou bien quoi? Ou bien un hadith. C'est-à-dire que la raison elle-même ne suffit pas. Il y a la raison, jamais il ne suffit pour maintenir un attribut, jamais il ne suffit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas besoin de raison. Ceux-là, on doit les connaître seulement avec le hadith ou le Coran. Et donc par exemple, l'yadayn. Est-ce que quelqu'un serait assis comme ça, il va dire que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, sans qu'il ne connaisse ni le verset ni le hadith. C'est impossible. Mais pour la vie, si. Pour la vie, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. C'est impossible qu'il soit mort. Pour le ilm, la même chose. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est savant, il sait. Mais les mains, non. Les mains, il faut un verset ou un hadith pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Le wajh, le visage. L'aynayn, les yeux. Al-qadam ou al-qadaman, les pieds. Ceux-là, ce sont des attributs de l'entité, de l'essence. Pourquoi? Parce qu'ils ne se détachent pas aussi de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Les mains, Allah subhanahu wa ta'ala, reste-t-il un jour sans les mains, sans le visage, sans les yeux? C'est impossible. Mais la différence entre ceux-là et les premiers, l'assurance, la vie, la puissance, etc. Les premiers, ils se basent un peu sur le raisonnement. Quand tu raisonnes, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, un de hikma. Tu demandes à un enfant, tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala, il a la sagesse, il n'a pas, il te dit là. Allah subhanahu wa ta'ala existe ou existe, il te dit existe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le savoir ou il n'a pas, il te dit il sait. Tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains ou il n'a pas, il te dit je ne sais pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième groupe des attributs de l'entité demande quoi? Ça s'appelle naqli, se base sur le naql. Naql, c'est l'akhbar. L'akhbar, les informations sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, le Cheikh Ali Rahmatullah a dit فَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ لَهُ يَدَانْ وَوَجْهُ عَيْنَانْ. Allah subhanahu wa ta'ala à toujours et à eu, à toujours, à maintenant et à eu. Il a eu et il a maintenant toujours deux mains, un visage et deux yeux. وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَنْ لَمْ يَكُنْ. Et jamais il ne s'est passé un moment dans cette vie où Allah subhanahu wa ta'ala est resté par exemple une seconde sans les mains, ensuite les mains sont venues. Ou là sans le visage, ensuite il a eu le visage. Ou là sans par exemple les yeux, ensuite les yeux sont venus. Jamais. Là, tout, c'est pour ça qu'on dit des attributs de l'entité. Ça veut dire qu'il ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour la science et le savoir. Et la même chose pour la hikmah. Ces choses-là, ces attributs ont toujours été avec Allah subhanahu wa ta'ala et sont jusqu'à présent. Et même lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, moi je suis en train de parler maintenant, il est en train de m'entendre. Il est en train de m'entendre. Ce qui est nouveau, c'est nouveau par rapport à nous. Par rapport à nous. Il y a un renouvellement dans ce qu'on entend. Celui qui m'entend, il entend quelque chose de nouveau. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nouveau. Il savait que j'allais dire cela. Il savait que j'allais dire cela. Il savait ce que j'allais faire, etc. Donc, les attributs se divisent en deux grands groupes. Les attributs de l'essence, et ça s'appelle les attributs de l'entité. Ensuite, deuxième groupe, les attributs de l'acte. Et on a dit que les attributs de l'entité et de l'essence se divisaient aussi en deux groupes. Ceux de la raison et ceux des textes, maqli, sam'i. Yani, ça n'a rien à voir avec la raison. Maintenant, on parle du deuxième groupe, les attributs de l'acte. Sifat al-fi'liya. Sifat al-fi'liya. وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وهي نوعان. Les entités, les attributs de l'acte, c'est aussi deux groupes. Mais c'est quoi les attributs de l'acte? C'est les attributs qui dépendent de sa volonté. Les attributs qui dépendent de sa volonté. On les a appelés de l'acte parce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi les fait. فعل, يعني الأفعال. Ce sont de ses actes. Il fait des choses. C'est pour ça que on les a appelés al-fi'liya. C'est cette al-fi'liya. On les a appelés aussi al-fi'liya. Pourquoi? Parce que ça dépend de quoi? Ça dépend de sa volonté. S'il veut Allah Azza wa Jal, comme par exemple la descente, comme il descend chaque nuit. S'il veut descendre, il descend. S'il ne veut pas descendre, il ne descend pas. Donc on dit la descente est un attribut de l'acte. Pourquoi? Parce que s'il veut, il descend. S'il ne veut pas, il ne descend pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala rit, on dit pourquoi il a ri. Il peut rire, il peut ne pas rire. Et beaucoup, beaucoup yani, d'exemples. Maintenant, je vais dire à peu près ce qu'il a dit ici. Il a dit, ouais, tout seulement, il a dit, et ça se divise en deux. Ça se divise en deux. Ça se divise en deux. Il a dit, certains attributs, on connaît leur raison. Il y a des attributs qui ont leur raison, et il y a des attributs dont on ne connaît pas la raison. Il a dit par exemple, Ar-Reda, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, Ar-Reda. Allah Azza wa Jal, Ida, Wujida Sebab Ar-Reda, Radiya. Il a dit, s'il y a la cause de l'agrément, Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, s'il y a la cause. Comme il a dit, In takfuru, fa inna Allah ghaniyun ankum, wa la yarda li'ibadi al-kufr, wa in tashkuru yardahu lakum. Allah Azza wa Jal a dit, si vous ne croyez pas, Allah se passe longuement de vous. Et il n'agrée pas de ses serviteurs la mécréance. Mais si vous êtes reconnaissant, il touche pour vous. Si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc, l'agrément, Ar-Redaouna, ça a une cause. Ici, la cause, c'est quoi? C'est par exemple quand les gens sont reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc, les attributs de l'acte, ça se divise en deux. Il y a, on connaît leur cause, comme Reda par exemple, et il y a ceux qu'on ne connaît pas la cause, qui n'ont pas de cause. Par exemple, il a dit, Nuzul, il est sanat dunya hina yabqa thuluth al-layl akhir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la cause? Pourquoi spécialement le tiers? Pourquoi qu'il descend, etc.? Personne ne sait. On a dit que la descente, c'est quoi? C'est quelque chose qui dépend de sa volonté. S'il veut, il descend. S'il veut pas, il ne descend pas. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un attribut de l'acte. Car l'attribut de l'acte dépend de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, وَمِنَ الصِّفَاتِ مَا هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَا وَفِعْلِيَا بِعْتِبَارِينَ. Il y a, troisièmement, il y a des attributs qui, d'un côté, sont des attributs de l'acte, et de l'autre côté, sont des attributs de l'essence. Non. Il y a certains attributs qui ont les deux à la fois. Quand on les regarde d'un côté, on trouve qu'ils sont des attributs de l'essence. Quand on les voit d'un deuxième côté, on trouve que ce sont des attributs de l'acte. Pardon, chauffeur, téléphone, là, je vais l'arrêter. Je vais d'abord l'éteindre. Je disais que... Non. Maintenant, je vais donner un exemple des attributs qui sont yani, les deux à la fois. Qui sont les deux à la fois. Il a dit ici, Al-Kalam. Al-Kalam. La parole. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala parle. La parole. Quand on voit bien la parole, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la parole, c'est quelque chose qui se sépare de lui, qui se détache au point où l'azul reste sans parler, sans la parole, devient muet, Allah subhanahu wa ta'ala, ma'adallah. Donc en ce sens, la parole c'est un attribut de l'essence. Ça ne se sépare jamais de lui. Ça, s'il ne veut pas parler, il ne parle pas. Mais ça, la parole elle existe, ça ne se sépare jamais de lui. Donc en ce sens, la parole est un attribut de l'essence. Mais quand on voit que Allah azzawajal, il parle quand il veut et il ne parle pas quand il ne veut pas. Quand il veut, il parle. Il ne veut pas, il ne parle pas. En ce sens, ça dépend de la volonté. Donc, il veut, il ne veut pas. Donc, en ce sens, la parole, c'est un attribut de l'acte. Donc, conclusion, certains attributs sont en même temps de l'acte et sont en même temps attributs de l'entité, comme la parole. Ensuite, la rahma aussi, la rahma. Vous imaginez que la rahma, ça se sépare de Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas de rahma, c'est impossible. Donc en ce sens, la rahma est un attribut de l'entité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamu man yasha wa yu'adhibu man yasha. Quand il veut, il yarham celui-là, il ne veut pas yarham, la yarham. Donc en ce sens, ça dépend aussi de la volonté. C'est pour ça qu'on dit que rahma aussi fait partie des attributs qui ont les deux à la fois. Entité, essence et acte. Ensuite, il y a un petit ikhtilaf entre les ulama en ce qui concerne l'istiwa. L'Azawajal, lorsqu'il s'est établi au-dessus du trône. Il s'est établi au-dessus du trône. L'istiwa. Est-ce que c'est un attribut de l'essence ou bien c'est un attribut de l'acte? Quand on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, avant, il n'y avait pas eu l'établissement. Il ne s'était pas établi, car il a dit dans le Coran, ثُمَّ اسْتَوَى. Ensuite, il s'est établi. Donc, naam, c'est pour ça qu'il y a une divergence. Il ne s'était pas établi, ensuite, un jour, il s'est établi au-dessus du trône. Donc, c'est quelque chose qu'il fait, yani, de par sa volonté. S'il avait voulu, il ne serait pas établi. Donc, il a voulu, il s'est établi. Donc, en ce sens, Istiwa, l'établissement Adam, c'est un quoi? C'est un attribut de l'acte. Parce que ça dépend de ses gestes, du fi'l. Lui qui a fait de l'établissement. Istiwa. Et d'un autre côté, quand il s'est établi l'Azawajal, est-ce qu'il s'est délaissé de l'établissement, il s'est délaissé l'Azawajal, il n'est plus établi? Non. Il est toujours jusqu'à présent au-dessus de son trône. Il est avec nous dans la salat, il est au-dessus de son trône. Il descend chaque nuit et en même temps il est au-dessus de son trône. Donc il ne s'est jamais délaissé de quoi? De son établissement. Si ça s'appelle établissement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Al-Muhim, donc en ce sens, Al-Istiwa, en ce sens, Istiwa, c'est quoi? C'est un attribut de quoi? De l'essence. Comme ça, a dit Salah Al-Sheikh Hafidhahullah. Il a dit Istiwa aussi. Rentre dans les deux. Pourquoi? parce qu'une cité déjà, une cité pas établie, c'est établi, donc c'est un attribut de l'acte, il a fait quelque chose. Et ensuite, après avoir fait cet établissement, il a gardé en lui. Il s'en est jamais séparé. Donc en ce sens, ça devient quelque chose de l'essence. Ça devient quelque chose de l'essence. C'est pourquoi qu'on dit que l'istiwa, يعني هو في نفس الوقت ذات للذات وهو في نفس الوقت من الفعل وفي نفس الوقت هي صفة ذات وفي نفس الوقت صفة فعل. Bon, maintenant on continue, inshallah, عز وجل. On continue. Il a dit. Il a dit, quand on cite quelques attributs, par exemple, quand on cite quelques attributs, quand Allah Azza wa Jalla a dit, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا et yani, que ton Seigneur viendra rang par rang. Lorsqu'il a dit, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ yani, est-ce qu'ils attendent ou qu'attendent-ils que les anges leur viennent et que vient ton Seigneur. Donc ici, c'est pour montrer un attribut qui est quoi? La venue, que Allah subhanahu wa ta'ala vient. Allah subhanahu wa ta'ala vient et viendra le jour du jugement dernier. Et lorsqu'il a dit, وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ mais Allah Azza wa Jal a répugné leur départ. Et Allah subhanahu wa ta'ala répugna leur départ. Donc, c'est un acte aussi, c'est un attribut aussi de le fait que l'Azza wa Jal répugne. Maintenant, le contraire, lorsqu'il a dit radiyallahu ta'ala anhum, Allah Azza wa Jal les a agréés, radiyallahu ta'ala anhum. C'est un autre attribut qui est l'agrément. Certains disent, si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala vient et agrée, répugne, etc., ça se fait pas, ça se dit pas. Ils disent comme ça. Les égarés, bien sûr. Ils disent pourquoi? Parce que les personnes aussi ont ces attributs. Les personnes aussi aiment, agréent, répugnent, détestent, etc. viennent. Ils ont dit donc il vaut mieux ne pas dire ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ceux-là, les premiers qui ont été à dire, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs. Ce sont bien sûr, et même les noms, ce sont les Jahmites, ou l'Iyadu Billah. Ceux qui suivent Jahm ibn Safwan, qui lui-même a pris ça de Jahm ibn Dirham. Ceux-là, les ulama ont dit même, ce sont des kuffars. Ce sont des kuffars, les Jahmites. Les Jahmites, ceux qui disent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de, quoi, n'a pas le sifat, n'a pas des attributs, aucun attribut. D'ailleurs, les Jahmites ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a un seul attribut. C'est quoi l'attribut que Allah subhanahu wa ta'ala a? C'est l'existence. Naam, parce que si tu dis Allah n'existe pas, khalas, yani c'est le coffre. Donc ils ont dit, on dit seulement une chose, Allah existe. Mais jamais on dit il rit, ou là il s'étonne, ou là il parle, ou là il entend, ou là il descend, ou là il agrée. Tout ça, c'est impossible. Ils ont dit seulement Allah existe. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite viennent les mu'tazila, eux aussi, ou l'ayyadu billah, qui disent que Allah a trois seulement. Trois attributs. Ils disent il est vivant, hayat, parce que s'il n'a pas de vie, grâce il est mort, donc il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent il a l'ilm, la science et le savoir, parce que s'il ne sait pas, donc il ne sait pas ce qu'on fait, donc on fait ce qu'on veut. Donc ils sont obligés de dire il a aussi l'ilm, et ils ont dit lahul qudra, il a la puissance, parce qu'ils sont obligés de dire il a la puissance, car un Dieu qui n'a pas la puissance, c'est quoi ça? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est pour ça que les Yahoud, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vont au mur de la honte là-bas pour pleurer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train d'incliner leur tête, etc., de faire comme ça, avec leur livre. Qu'est-ce qu'ils disent entre autres? Ils disent, Ya Allah, réveille-toi, réveille-toi, dans le mur des lamentations. Ya Allah, réveille-toi, réveille-toi. Ya Allah, réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi ils disent qu'il s'est fatigué? Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il s'est fatigué. Donc, ils veulent le réveiller. Ya Allah, réveille-toi, réveille-toi. Les musulmans ont fait ceci, cela. Ya Allah, réveille-toi, réveille-toi. La hawla wa la quwwata billah al-ali al-azim. Donc, ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala يعني est impuissant, ou là il ne sait pas ce qui se passe, ou là il dort, ou là il est distrait. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Naam, ils n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui donne pas sa vraie importance. Naam, quelqu'un qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il ne lui donne pas sa vraie importance. Yani, ses noms, ses attributs, il ne lui donne pas, il ne le connaît pas. Il le connaît pas. Ensuite viennent les Asha'ira qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement sept attributs, et certains vont jusqu'à 20. Les sept, quand tu les détailles, tu trouves 20. Les sept, ce sont les plus essentiels. Si tu dis pas, il y a les sept, ça veut dire, il n'y a pas Allah. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le ilm, il a la qudra, il a le kalam, il a la puissance, il a le hayat, il a le sam', il a le basar. Ils ont dit sept. Parce que sans les sept, il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et le maturidiyya qui ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a 8. Et nous, Inch'Allah, la tuzakku anfusakum, Inch'Allah, kunnam ahl sunna wal jama'a, nuthbit lillah kullama athbata li nafsih, wa kullama athbatahu lahu nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallam. Pour être de ahl sunna wal jama'a, il faut que tu dises que tout ce que Allah Azza wa Jal s'est décrit, tous les attributs dont Allah Azza wa Jal s'est décrit, ou dont son prophète l'a décrit, yani sur les yeux, sur la tête. Tu dis sami'na wa ta'na sur les yeux, sur la tête. On ne commence pas à enlever cet attribut, déformer le deuxième, dire le troisième, il n'a pas voulu ceci, il n'a pas voulu. Non, tu dis sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na pour être de yani, le firqa al-najiyya, pour être du groupe qui va être sauvé, Inch'Allah ta'ala, parce que demain, ça va être vraiment difficile devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je viens de remarquer que Ma'ab Asaf, J'ai préparé pour enregistrer, j'ai oublié d'enregistrer. Ça rentre allé dans le shaitan. Donc je disais, non. Ici il dit Su'al. Hel. Non, il dit, il va redire encore une fois que. Le raisonnement, l'aql, yani l'aql, n'a rien à voir dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas raisonner et dire que Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut ou cet attribut. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que les attributs de l'entité se divisent à ce premier groupe, raisonnement, deuxième groupe, les textes, je voulais dire par raisonnement, bien sûr. C'est pas qu'on peut connaître par raisonnement, mais on les soutient. Quand on les connaît, on les soutient par raisonnement. On dit ça. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala entende, qu'il voit, qu'il est vivant, qu'il est puissant. Et donc tu les soutiens avec ton raisonnement. Mais la main, les yeux, les pieds, ça n'a rien à voir avec le raisonnement. Maintenant, il parle d'eux. En général, il a dit le raisonnement, l'aql, la madkhala lahu, ibn sifat. L'aql ne peut pas arriver, yani, à décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Idan al-aqlu yudriku bi anna al-'ajz la yum. Mais il a dit, c'est quelque chose d'important. Il a dit que l'aql, il peut d'une façon générale, il peut éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Éloigner les défauts. Naam. Seulement avec ton raisonnement. Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'est pas avare. C'est cela. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas, yani, ne se fatigue pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sourd, n'est pas muet. Et ceci. Yani, tu peux enlever certaines choses de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les ulama ont dit, tout ça, même quand tu enlèves, tu éloignes de Allah subhanahu wa ta'ala des choses ou là des ouyoubs, des défauts, ça ne veut pas dire que tu as fait le tawhid. Ça ne veut pas dire. Parce que le tawhid, c'est de attester ce que Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a. C'est pas que tu enlèves seulement des choses de lui. Naam, tu attestes ce qu'il a dit qu'il a. Tu attestes les choses dont il s'est décrit. C'est pas seulement tu dis, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas avare, il n'est pas. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla te demande de, en ce qui concerne on a le positif et le négatif. Le positif, c'est tu décris, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci, il a cela, il a cela. Et le négatif, ça veut dire que tu es loin de lui. Là, je te demande, si tu veux être de Al-Sunnah ou Jama'a, dans le positif, dans la description, tu décris avec des détails. Des détails. Et dans enlever les défauts, tu enlèves globalement. Tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'a pas de défaut. C'est pas la peine que tu dises, n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'a pas ceci, avec des détails. Non, tu dis, Allah n'a pas de défaut, par exemple. Mais, dans la description, tu dois décrire avec des détails. Tu dis pas, classe, il a tout ce qui est beau, on arrête là. Non, tu dis, il a les mains, il a les pieds, il a les yeux, il vient, il descend, il rit, il yajab, il s'étonne, yardab, avec des détails. Tu dois, dans la description, tu dois décrire avec les détails. En ce qui concerne enlever les défauts, tu peux te suffire à la globalité. Et ça, il y a un verset qui dit cela. Lorsque l'Azul a dit, « Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'u al-basir. Laysa kamithlihi shay'un. » Regarde, il n'y a rien qui lui ressemble. Hein. Tu as enlevé tous les défauts. Donc, il n'est ni ceci, ni petit, ni grand. Il n'est pas comme yani quelque chose qui le ressemble. Dans les défauts, c'est global. Rien ne lui ressemble. « Wa huwa as-sami'u al-basir. » Et dans la description, il donne les détails. « Wa huwa as-sami'u al-basir. » Sami'u l'audion et le clairvoyant, le basir. Regardez, par détail. Quand il a enlevé les défauts. Globalité, quand on enlève les défauts. On marche globalement. Et quand on veut décrire, on doit donner les détails. Hada, c'est quel est le délit? Le délit, c'est le verset que je viens de dire. Rien ne lui ressemble pour enlever les défauts. Wa huwa as-sami'u al-basir pour le décrire. Je l'ai décrit avec des détails. Ici, au moins, avec deux attributs. Sam'a ou al-basir. Sam'a ou al-basir. Lui et la vue. C'est pour ça, et hada, le délit, c'est quoi le délit? C'est le verset. Il y a aussi un délit par raisonnement. Par raisonnement. Imaginez que vous alliez, par exemple, chez un roi. Un roi, les gens ont l'habitude, quand ils rentrent chez lui, par exemple, devant, ils se méritent. Et à Maulana, un takada, ou masha'Allah, alayk, ou nas kulluhum, yakuluna fika khayran, ou masha'Allah, wa kada, entre parenthèses, la moitié, c'est des mensonges. Enfin, imaginez que je rentre chez un roi et que je lui dise, je veux le vanter. Maintenant, je veux vanter ses mérites. Je lui dis, Wallah ya Fulan, Masha'Allah alik, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas avare, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas, yani, vous n'avez pas le cancer, vous n'avez pas le sida, vous n'avez pas kada. Est-ce qu'il va être content celui-là? Il va dire, faites sortir ce fou, faites sortir ce fou de chez moi. Pourquoi? Parce que quand on veut vanter quelqu'un et ses mérites, on le vante par le positif. C'est pas par le négatif, on lui dit, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas fou, tu n'es pas ahwal, tu n'es pas petit de taille, tu n'es pas... Non, tu lui dis le contraire. Vous êtes beau, vous êtes riche, tout le monde dit que vous faites ceci, vous aimez les pauvres, vous aimez les mendiants, vous donnez l'argent aux gens, pas par le positif. Mais si on veut vanter quelqu'un qui mérite, on les vante par le négatif, ça n'est pas accepté. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand on dit, il n'a pas ceci, non. Là, je ne t'ai pas demandé de dire, de lui enlever les défauts par détail. Lui, il n'en a pas. Tu te suffis à la globalité. Là, il sait qu'il est triché. Rien ne lui ressemble. Ça me suffit. Wa huwa as-sami' al-basir. Ça, maintenant, pour le décrire, j'ai besoin de connaître les détails. J'ai besoin de connaître les détails. Et bien sûr, ça viendra un peu plus loin que à chaque fois que vous trouvez dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de lui, enlève de lui des défauts, ce n'est pas parce qu'il veut enlever les défauts, car sinon c'est contraire à ce que je viens de dire maintenant, mais c'est pour prouver le contraire. C'est pour prouver le contraire. Ça va venir là, inshallah ta'ala. En l'azur, par exemple, il dit, « La ta'khudhu sinatun wa la nawm. » Ne le prend ni sommeil, ni somnolence, ni sommeil. Il a enlevé des deux défauts ici. Somnolence, sommeil. Mais ce n'est pas pour enlever les défauts. C'est pour prouver que il est donc celui qui sait tout. Parce que quelqu'un qui somnole ou qui dort, il ne sait pas ce qui se passe. Il est impuissant, il ne sait pas ce qui se passe. Donc lui, il veut prouver le contraire. Non, il veut prouver. Toujours là, si l'on a un défaut, c'est qu'il veut prouver le contraire. Quand il a dit, « Wa même sana min l'urub. » j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours et je n'ai pas été fatigué. C'est pas pour enlever le défaut de la fatigue, c'est pour prouver quoi? Yani qayyumiyatahu, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani c'est, je sais pas comment on dit en français, qayyumiyatahu, mais quelqu'un yani qui rien ne peut yani, il est yani, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout sans qu'il soit jamais fatigué, sans qu'il soit jamais fatigué. Et quand il dit par exemple wa ma zalamnahum walakin anfusahum kanu yadhlimun, wa ma zalamnahum, on n'a pas été injuste envers eux. Pas pour moi enlever le défaut de l'injustice, mais pour prouver sa perfection dans quoi? Dans l'équité. Sa perfection dans la justice. Donc là, je continue en œuvre, c'est pour montrer le contraire. Ça va venir, Inch'Allah, avec les détails quand on va arriver. Maintenant, une question importante. Une question importante. Est-ce que هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله. Quelque chose de très important. Est-ce que هل ما هو كمال فينا, est-ce que tout ce qui est perfection en nous est une perfection en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tout ce qui est perfection en nous est automatiquement une perfection en Allah subhanahu wa ta'ala, et le contraire? Et est-ce que tout ce qui est défaut en nous est défaut en Allah subhanahu wa ta'ala? Ici il dit al-jawab la, non, ça ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas vrai, non, ça ce n'est pas vrai. Limada, parce qu'il y a une grande différence entre le créateur et la créature. C'est pour ça qu'on ne peut pas marcher comme ça, c'est par analogie, on ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas d'affinité. Il n'y a rien qui se ressemble entre le Khalq et le Makhlouq, entre Allah et ses serviteurs, entre le Créateur et la créature. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le qiyas. Je vais donner un exemple. Il a dit fait l'eklo ou sharbo, afwan. Le manger et le boire. Quand on mange et quand on boit. بالنسبة للخالق نقص par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jalla buvait et mangeait, ma'azallah, ça aurait été une perfection ou un défaut? Un défaut. Allah Azza wa Jalla boit, Allah Azza wa Jalla mange, c'est un défaut. لماذا? لأن سببهما الحاجة. Parce que s'il boit ou s'il mange, c'est une preuve qu'il a besoin de cela. Il peut pas, il faut qu'il boive, il faut qu'on mange. Comme nous. Il faut qu'on boive, il faut qu'on mange. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ghani an kulli dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala est riche de tout cela, il n'en a pas besoin. Mais par rapport au makhlouq, par rapport à nous, c'est quoi? Et huma binisba al makhlouq kamal. Par rapport à nous, c'est quoi? C'est une perfection. Naam, manger et boire, c'est une perfection par rapport à nous. C'est pour ça que si quelqu'un ne mange pas ou ne boit pas, on dit celui-là il est malade. Si on voit une personne qui ne peut pas manger 3-4 jours, on dit il faut l'emmener à l'hôpital. Cette personne est malade. Pourquoi? Parce que c'est une perfection en nous de manger et de boire. On n'est parfait que si on boit et si on mange. Et aussi si on dort. Sinon, comment qu'on devient quand on reste seulement un jour et aller à jeûner sans boire et manger? Déjà, on commence à devenir jaune. Imaginez ceux qui font l'hidrab. Ceux qui font, ils restent comme ça 20-30 jours sans manger dans les prisons, etc. Ça s'appelle la grève de faim. Après 35 jours, là, ce sont des cadavres, ce sont des cadavres. D'ailleurs, ils ne peuvent pas manger. Il faut aller petit à petit leur donner un morceau de sucre, ensuite je ne sais pas quoi, jusqu'à ce qu'ils reprennent l'état naturel. Sinon, s'ils boivent directement un jus ou là, ils vont mourir. Ils mourront. Et pour dire que la grève de la faim n'a rien à voir avec l'islam, il n'est pas de l'islam. Et quiconque l'a fait, il fait la grève de la faim pour demander ses droits, jusqu'à ce qu'il meure, c'est quelqu'un qui s'est assassiné. Non, quiconque fait la grève de la faim, jusqu'à ce qu'il meure, s'il meure, il s'est tué chez Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tué. Non, il a fait un grand, grand crime. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, et les sahaba ne l'ont pas fait, et les salafs salah ne l'ont pas fait. Ce sont les ikhwan muslimoun et ceux qui marchent derrière eux, et les juhal, qui font cette chose-là. Quand le gouverneur leur donne pas une chose-là, ils font la grève de la faim. Ou là, ils vont à je ne sais pas, ils sont en prison, ils font la grève de la faim. Alors que Youssef alayhi salam, combien qu'il est resté banni en prison, il n'a jamais fait la grève de la faim. n'a jamais fait la grève de la faim, ni Ibn Taymiyyah quand on l'a emprisonné en Égypte, ni en Syrie. Il n'a jamais fait la grève de la faim, ni l'Albani l'Ahmou quand on l'a emprisonné en Syrie. Il n'a jamais fait la grève de la faim. Ce n'est pas une chose des salaf. Ensuite, il parle du nom. Le fait de dormir, binisba lil khaliq naqs. Le fait de dormir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est un défaut. Naam, si Allah subhanahu wa ta'ala dormait pendant les minutes ou l'heure ou la journée où il dormirait, on ferait ce qu'on voudrait. Naam, on profite, il est en train de dormir. Parce que quiconque dort, premièrement, ne sait pas ce qu'il fait, et deuxièmement, il ne peut pas nous saïtir à quelqu'un qui dort. C'est pas ce qu'il fait. Comment peut-il yani, avoir la suprématie sur ce qu'il a créé et sur ses créatures et sur ce monde? Il ne peut pas. Il est en train de dormir. Quelqu'un qui dort, on fait des choses même qu'on ne veut pas, dans le songe, etc. Donc, dormir, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un défaut. C'est pour ça, alhamdoulilah, qu'il ne dort pas, Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne somnole. Mais par rapport à nous, si quelqu'un ne dormait pas, yani ce serait. Et les gens se plaignent quand ils ne dorment pas. Ils disent, ah Allah, hier j'ai pas dormi. Ou avant-hier j'ai pas dormi. Et la plupart des gens qui ne dorment pas, ce sont surtout ceux qui, le bas monde, le dunya, c'est ancré dans leur cœur. Hein? Ils passent la nuit en train de faire des calculs, et ils ont beaucoup peur que leur bien ne parte, etc., leur argent qu'il parte, etc. Ils sont la nuit, yani ils passent la nuit à faire des calculs, et ils se lèvent le matin, à 3h du matin, etc. Yani tellement la vie yani, est ancrée dans son cœur. Mais le musulman, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige tout, il fait des doigts, et il se met sur son flanc droit. Allahumma rabbi bismika wa da'atu jambi wa bika afa'u, in amsikta nafsi farhamha, wa in assultaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Ensuite, s'il veut par exemple, qu'il y a eu un kafirun, comme dans le hadith sahih, et 10 minutes après, là, son âme est sortie de lui. Je disais, non. Aussi pour. Non. Est-ce que c'est utilisé? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a ni épouse ni enfant. Avoir une épouse pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un défaut, un grand défaut. Et avoir des enfants, c'est un grand défaut pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'en a pas. Pourquoi? Parce que pour nous, avoir une épouse et avoir des enfants, c'est une perfection. C'est une perfection. Quelqu'un qui n'a pas de femme, c'est très difficile pour lui. Et la femme qui n'a pas d'homme, c'est très difficile pour elle. Ensuite, ils veulent des enfants pour la continuation de la progéniture. Tout le monde voudrait avoir des enfants, des petits-enfants, pour qu'il soit lui, grand-père et grand-grand-père, et comme ça. Il laisse yani, sa trace. Et tout le monde voudrait avoir des enfants pour que quand on soit vieux, ce sont eux, par exemple, qui nous aident. Ce sont eux qui nous aident. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Qu'est-ce qu'il a dit? وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا. C'est quand quelqu'un devient, ton père ou ta mère deviennent âgés, et Allah Azza wa Jal dit, si jamais ils deviennent âgés, ils sont chez toi, ils sont toujours vivants, c'est là qu'il ne faut pas leur dire même pas ouf. Il ne faut pas les contrarier, etc. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, ils commencent à changer de caractère. Ils commencent à devenir difficiles, ils commencent à devenir exigeants, ils commencent à demander des choses qui n'ont pas d'importance. Ils commencent à faire beaucoup de choses yani, qui ne sont pas très raisonnables. Alors c'est là-bas que l'âge t'a demandé de ne pas leur dire ouf. C'est quand ils ne sont pas raisonnables, etc. Quand ils sont âgés, mais quand ils deviennent âgés. Ensuite, il a dit, وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ. Et on doit croire aussi, non seulement en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans son Coran, mais aussi en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je me suffis au Coran. Quand il y a un hadith, Allah, j'ai des doutes. Je me suffis au Coran. De toute façon, si quelqu'un dit, moi je ne crois qu'au Coran, c'est un kafir. Ça vous le savez. Parce que si vraiment il croyait au Coran, le Coran a dit, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Le Coran a dit, suivez Allah et suivez le prophète. Donc quand tu ne suis pas le prophète, allez, c'est simple, c'est que tu ne suis pas le Coran. Tu croyais au Coran, tu aurais suivi le prophète que Allah t'a dit, suis-le. C'est le mohim. Et il y a une secte très dangereuse qui s'appelle le Coranion, les coraniques ou quelque chose comme ça. C'est une secte très très dangereuse. Elle se trouve partout, mal asaf, elle se trouve partout. Et beaucoup de gens, bien sûr, qui ne connaissent pas le din, qu'est-ce qu'ils font? Même il y a des sœurs, etc. Des fois, elles se marient avec quelqu'un de ce genre, qui vivent beaucoup en Afrique noire, surtout. Et elle ne sait pas, comme certains, se marient avec les Ahbash, surtout les Ahbash, la secte. L'une des plus dangereuses en notre temps, l'Ahbash, les Habashi, l'une des sectes les plus dangereuses en notre temps. Et Ma'al Asaf, elle existe beaucoup en France, Ma'al Asaf. Elle existe très répandue en France. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire aux sœurs, les sœurs qui veulent se marier, beaucoup faire attention à ce que vous ne tombiez sur un Ahbash. Ils nous ressemblent, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de différence quand vous les voyez. Mais, yani, si vous connaissez pas bien la aqida, ou vous faites pas bien l'enquête, yani, vous ne demandez pas aux gens, et vous ne demandez, j'ai toujours dit, quand une sœur veut se marier, il faut qu'elle demande à la personne où est-ce qu'elle fait déjà la prière, dans quelle mosquée, ensuite elle envoie des gens à la mosquée, dans la mosquée là-bas, pour connaître ceux qui le connaissent. Pour dire, oui, celui-là, on le connaît, ça, il est toujours avec nous, il est seul, il est qu'elle, on connaît, yani, mais pas de la secte X ou de la secte Y. Parce que quand quelqu'un vient demander la main, le prétendant, il ne dit que les choses mielleuses. Il parle comme, il y a le miel qui sort de sa bouche. Masha'Allah, que qu'al Allah et qu'al Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme croit que celui-là, classe, c'est la perle noire. Celui-là, c'est, il va lui construire un paradis sur terre. Bien sûr. C'est pour ça que l'islam a là, ne donne pas beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la perle rare, c'est de la perle noire. La perle rare, je crois qu'il n'y a pas de perle noire, ça. Toutes les perles sont blanches. Al-Muhim, je disais que, naam, l'islam ne donne pas trop d'importance aux fiançailles. Les fiançailles, pendant la période des fiançailles, tout le monde, yani les deux, montrent l'autre face. On ne connaît pas la vraie face. Elle se montre qu'elle est la plus gentille, la plus serviable, la plus ceci. Là. Et lui, il montre qu'il est le meilleur des gens. Et quand il se marie, là, c'est la catastrophe qui commence. Naam. Sauf que les fiançailles, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est la sincérité qui est dans le cœur et c'est sur quel manhaj. Quel manhaj celui-là est là. Quel manhaj. Yani, après, tout va partir, il ne va rester que le solide. Ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a le vrai en lui. C'est ça qui va rester en lui. C'est ça que j'ai entendu quelqu'un, il a dit une fois, il a dit, 6 mois avant le mariage, c'est lui qui parle et elle qui écoute. 6 mois avant le mariage. Elle est très gentille, mashallah. C'est lui seulement qui parle et elle écoute. Mashallah. Elle est très gentille, elle écoute, elle dit rien et lui. Je ferai, je construirai, mashallah. 6 mois après, c'est elle qui parle et lui qui écoute. 6 mois après, tout a changé. Et si cela, il ne faut pas faire. C'est elle qui parle, il écoute. 1 an après, c'est le juge qui parle et les deux qui écoutent. Le juge qui va les divorcer. C'est lui qui parle et les deux qui écoutent. La hawla wa la quwwata illa billah alil azim. Je disais, je ne sais pas où j'étais. Naam. On doit aussi croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala plus que son prophète. C'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître et en même temps, ça implique aussi, aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous connaissez dans le hadith sahih, vous le connaissez, je le redis comme ça très vite en passant, les 3 personnes, radiyallahu ta'ala anhum, qui ont été chez Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander comment le prophète Al-Islam faisait. Qu'est-ce qu'il faisait yani, d'habitude dans sa ibada, dans ses adorations. Quand elle leur a dit, voilà ce qu'il fait, voilà comment il fait, etc. voilà combien de prières il fait par jour, ça. كأنهم تقالوا يعني زوندي والله اليوم دي سي بو سي بو pour un prophète auquel Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné. C'est peu, on trouve que c'est peu. Non, ils ont cru que يعني ils pouvaient faire plus ou là ils pouvaient aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que lui ou la craindre Allah subhanahu wa ta'ala plus que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'un des trois a dit bon, quant à moi, je ne dormi, je vais pas dormir la nuit. Je ferai toute la nuit la prière. Le deuxième a dit, quant à moi, la journée, je ne vais plus manger. Allez, tout le jour, tous les jours, je vais faire le jeûne. Et le troisième a dit, moi, je ne vais pas me marier. Je n'ai pas besoin de femme. Je vais rester comme ça toute ma vie dans le célibat. Je n'ai pas besoin de femme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha lui a dit cela, yani, il s'est vraiment énervé. Il est monté sur le minbar. Il a dit, ma balu aqwam. Yani certains disent que kda ou kda. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est le témoin du dos. Innama ana a'lamukum billah wa akhshakum lahu. Innama ana a'lamukum billah wa akhshakum lahu. Je suis le plus savant de vous en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Personne de vous ne peut ne connaît Allah subhanahu wa ta'ala mieux que moi. Wa akhshakum lahu. Personne de vous ne craint Allah subhanahu wa ta'ala comme je le crains moi. Walakini, mais en même temps, aqoum, je fais la prière la nuit et je dors. C'est pas comme l'autre yani qui a dit qu'il faisait la prière, il dormait pas jusqu'au matin. Wa asoum, je fais le jeûne wa ofter et je mange. Des fois je fais le jeûne, des fois je mange. Wa atazawwaju an-nisa et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Et quiconque ne veut pas ma sunna, il n'est pas de moi. Et quiconque ne veut pas ma sunna, il n'est pas de moi. Les ulama ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il n'est pas minni, laysa minni, ça ne veut pas dire qu'on m'a dit le murji'a. Ça veut dire, il n'est pas de à la tariqati. Et non pas comme a dit les takfiriyon. Les takfiriyon disent, donc il est kafir. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a montré, il a dit, chaque hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ghashana laysa minna, qui fait telle chose n'est pas de nous, il a dit si tu dis n'est pas de nous, ça veut dire seulement il n'est pas dans mon. Il ne m'a pas suivi vraiment. Il a dit tu es un murji. Et si tu dis il n'est pas de nous, il est kafir, tu es devenu des khawarij, des kharijites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas fait le wajib ou bien il a fait le haram. Ça veut dire qu'il a fait un péché. Il a fait pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi ce qu'il fallait faire. Il n'est pas de nous. Parce qu'il n'a pas suivi ce qu'il fallait faire. Donc il a délaissé un wajib, il n'a pas fait, il a fait un haram. C'est pas il a fait une petite... Non, il a fait un haram. Donc quelqu'un qui croit qu'il va dire, moi je vais faire toute la nuit la prière. On lui dit, tu vas faire toute la nuit la prière, masha'Allah. Est-ce que tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans toute sa vie n'a jamais fait plus de hdash raka? Tu es mieux que lui, toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, il n'a jamais fait plus de 11 rak'as, ni en ramadan, ni hors ramadan. Ni dans dans toute l'année, il n'a jamais fait plus de 11 rak'as, plus de 11 rak'as. Toi, tu es mieux que lui, tu vas faire toute la nuit, c'est-à-dire 50, 60 rak'as, tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un va nous dire, moi je vais jeûner, je ne vais plus manger. On va lui dire, à quoi ça sert? Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a demandé cela. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas dit de faire cela. Au contraire, il t'a dit de suivre son prophète. Et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit que quiconque fait le jeûne comme ça sans arrêt, il n'a pas jeûné. Chez Allah, il n'a rien fait. La samad darman sam, celui qui fait, il veut, il va dire à partir de demain, je vais jeûner toute ma vie. Celui-là, ce n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous, voilà le salafi. C'est quoi le salafi? Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec sa sharia. C'est pas avec les bid'a. Le salafi, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il adore avec qala Allah, qala Rasul. Avec le verset, il se base sur le verset, il se base sur le hadith, il se base sur ce qu'on dit les grands ulama. C'est pas, il fait des choses de sa tête. Il va dire demain, je vais commencer à jeûner, je vais plus arrêter. Qu'est-ce qui t'a dit que tu peux faire cela? Qu'est-ce qui t'a dit? Ne connais-tu pas le hadith qui dit qu'il ne faut pas faire faut pas faire cela. Donc, nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas avec de notre tête. On l'adore avec le hadith, on suit le hadith, on suit le verset. On n'invente pas. On n'invente pas. La na'boud illallah, wa la na'boudou illa bima shara. On n'adore que Allah, on l'adore qu'avec sa religion. Ce n'est pas avec notre tête. Ensuite, le fait de comment yani, suivre le prophète alayhi salatu wasalam dans le fait qu'il ait décrit Allah subhanahu wa ta'ala, on avait dit que on doit yani, suivre les descriptions, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms d'après yani, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Ça, on a terminé le das. Maintenant, on est rentré. Maintenant, on doit aussi décrire Allah subhanahu wa ta'ala d'après quoi? D'après comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et ce dars, comment le prophète alayhi wa sallam l'a décrit, on va le laisser inshallah ta'ala pour le prochain dars. On va le laisser inshallah ta'ala pour le prochain dars. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Arji inshallah ta'ala ba'd 10 daqayq. Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vais commencer par deux choses. La première des choses, Inch'Allah Ta'ala, j'ai mis dans le blog 60 questions qui ont été posées à Cheikh Ibn Uthaymeen en ce qui concerne les menstrues et les logis. C'est très important pour les femmes. Donc il y a 60 questions très importantes à laquelle Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamou a répondu en ce qui concerne les logis et les menstrues. Donc ça se trouve sur le blog ibntaymiya.jiran.com, comme c'est écrit en haut sur la bannière. Quand une sœur elle regarde là-bas, elle voit le cas, yani où est son cas parmi les cas du Cheikh. La plupart yani, c'est normalement son cas doit toujours être là-bas. Sinon elle prend avec ce qui ressemble le plus à cela. C'est la première des choses. Deuxièmement, une sœur m'a dit que, dans une lettre, elle m'avait dit que, m'avait posé une question, et elle m'a dit que, elle et une autre sœur ont compris comme ça. Ont compris une chose, donc je me suis dit, si ces deux sœurs ont compris comme ça, peut-être que beaucoup de sœurs aussi ont compris la même chose. C'est pour ça que je dois répéter cette chose. Et la sœur m'a dit, est-ce que, quand une femme, par exemple, elle n'a pas eu les menstrues, par exemple, pendant un mois, est-ce que cela veut dire, si elle ne les a pas eues pendant un mois, que pendant ce mois, elle doit prendre, par exemple, 5 ou 6 jours et s'arrêter pour faire la prière, même s'il n'y a rien? Elle a dit, est-ce que c'est ce que vous avez dit, ou là, ce n'est pas ça? Elle a dit, parce que moi et une sœur, je crois qu'on a compris cela. Moi, j'ai dit, je parlais d'une femme qui, par exemple, a des gouttes qui ne s'arrêtent pas pendant tout le mois. Une femme qui a des gouttes, par exemple, qui ne s'arrêtent pas, bien sûr, des gouttes ou les plus. S'il y a beaucoup de sang, c'est la même chose. Mais si elle n'a aussi que des points qui descendent, comme ça, et ça ne s'arrête pas tout le mois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est obligée d'arrêter une semaine, pas spécialement une semaine, d'arrêter d'après les nombres de jours qu'elle a. Si ses règles sont 5 jours, elle arrête 5 jours pendant le mois. Si ses jours, ses règles, c'est 6 jours, elle arrête 6 jours. Si c'est 7 jours, elle arrête. Pourquoi? Parce que, du fait que le sang ne s'est pas arrêté de couler, donc, ses règles sont passées. Yani, elle se trouve dans ce sang. Ça veut dire, elle a quoi? Elle a les métrorragies. Elle a istihada. Et quand une femme a istihada, elle est obligée de prendre, yani, 6 jours et d'arrêter de faire la prière et de jeûner pendant les jours. Et on avait montré, dans notre passage, on avait montré comment qu'elle fait. Elle prend son habitude. Si son habitude c'était le 10e de chaque mois, donc le 10e de ce mois, qu'est-ce qu'elle fait? Le 10e jour, elle va s'arrêter 6 jours, si elle avait l'habitude 6 jours. Pourquoi? Parce que le sang ne s'est pas arrêté d'elle. Soit que le sang coule beaucoup, soit qu'il coule par goutte et ne s'arrête pas. Voilà ce que je voulais dire, et je voulais pas dire qu'une femme, si elle n'avait rien un mois, elle devait s'arrêter une semaine. Elle s'arrête pas. Si elle n'a rien un mois, elle fait la prière. Si elle n'a rien 2 mois, elle fait la prière 2 mois sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que peut-être que les règles sont parties, peut-être qu'elles ne vont plus revenir, peut-être que tant qu'elle ne doit pas s'arrêter, tant qu'il n'y a pas de sang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Fadlou, inchallah, première question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dire à ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est sorti assis sur le trône? Pouvez-vous donner les délits qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites, des yeux et des pieds, etc. Naam, on ne dit pas que Allah subhanahu wa ta'ala est assis sur le trône. Naam. Il y a un hadith qui dit assis sur une chaise. Assis sur une chaise. Enfin, nous on dit une chaise. Il a dit le coursi. Assis, coursi. Et littéralement, ça donne une chaise. Mais en fait, Abdullah ibn Abbas a expliqué que, et Abu Moussa aussi al-Ash'ari dans des hadiths sahih, que le coursi c'était le coursi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le repose-pied. Le coursi, c'est le repose-pied. Et ce n'est pas comme on dit certains, ils ont dit le ilm. Et d'autres ont dit la chaise. Mais il y a un autre hadith où c'est écrit, il y a le mot jalis à la coursi, mais les ulamas ne se sont pas basés beaucoup sur ce hadith. Ils ne se sont pas basés sur ce hadith entre ceux qui disent que c'est vaif et entre ceux qui disent que ce n'est pas son sens. Al-Muhim, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il s'est établi sur le trône. On dit comme c'est dans le Coran. Thumma stawa ala l'arsh. Stawa, c'est établi et il s'est mis au-dessus du trône. Il s'est mis au-dessus du trône. Ça s'appelle istiwa. Ça s'appelle istiwa. On dit qu'il s'est mis au-dessus du trône. En ce qui concerne les délits qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites, c'est le hadith. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam alayhi wa sallam, choisis l'une de mes deux mains et mes deux mains sont la droite. Choisis l'une de mes deux mains et mes deux mains sont ma droite. Et puis le Coran, lima khalaqtu biyadayy, il a cité deux mains, il a dit biyadayy. Et le Coran, l'Azul a dit bel yadah, yadah, deux mains, bel yadah mabsoutatan, bel yadah mabsoutatan. Et la même chose pour les yeux, ils se sont cités sur le hadith, toujours ce sont des hadiths sahih qui sont dans le Bukhari et les autres. Le hadith sahih, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du Dajjal, l'antéchrist, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit, wa a'war. Il a dit qu'il était a'war, et il a dit, wa inna rabbakum laysa bi a'war. Et votre Dieu, qui est Allah, n'est pas a'war. Les ulama ont dit, celui qui n'est pas a'war, c'est seulement celui qui a deux yeux. C'est celui qui a deux yeux. En arabe, quand quelqu'un est a'war, on dit borni. Ça veut dire, il a un seul œil. Le prophète Aslam a dit, attention pour que vous trompiez pas, quand vous allez voir le Messie Dajjal, basez-vous sur ce signe. Il a un seul œil. Alors que Rabbukum, laysa bi'awar, il en a deux. Et dans le Coran, il a dit bi'ayunina aussi. Il a dit bi'ayunina. Et en ce qui concerne les pieds, aussi c'est dans le hadith. Dans le hadith, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas a dit, lorsqu'il a voulu expliquer le coursi, il a dit, mawdi'u al-qadamayn, mawdi'u, le repose des deux pieds, le repose des deux pieds, où reposent les deux pieds, mawdi'u al-qadamayn. Et Abdullah ibn Abbas, on dit les ulama, il ne peut pas dire une chose comme ça de sa tête. Un hadith mawquf, là où hukm al-rafa, et non, fil aqida, hadith mawquf, mais là où hukm al-rafa. Abdullah ibn Abbas ne peut pas dire une chose comme ça de sa tête, ni inventer des choses comme ça. Quant au pied, il est dans le hadith sahih de Bukhari, que Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, il va jeter des gens dans Jahannam, dans la fournaise, et elle ne va pas se remplir. Elle ne va pas se remplir. « وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ » Elle va dire « Ya Allah, ajoute-moi, ajoute, Allah Azza wa Jal va ajouter les gens, ensuite, khlas, qu'il va ajouter. Il va ajouter des pierres, des rochers. Maintenant, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va mettre son pied. Il va mettre son pied. Jabbar, il va mettre son pied. Qadamahu wa rijlahu. Il y a le mot rijl dans le hadith sahih. Il y a le mot qadam. Il va mettre son pied. Alors, Jahannam va se rétrécir et va dire qu'est-ce, son côté droit fasse rencontrer avec yani de son côté gauche, le coin, son coin droit avec son coin gauche, et elle va devenir comme à peu près, pour vous donner un exemple, comme par exemple nous, on écrase par exemple une boîte comme ça de lait ou là, on l'écrase, parce qu'elle devient, yani khlas, elle devient rieuse, rétrécie. Donc le pied, c'est dans les hadiths sahih, et les deux, c'est dans le hadith Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Et c'est dans tous les livres de Sunnah ou Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Fadlan, inshallah, deuxième question. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir, dans la création des cieux et de la terre, est-ce que les anges existaient déjà? Et est-ce que Allah ta'ala, istawa 'ala l'arche, avant la création, pouvez-vous donner le dalil ou indiquer qu'Allah ta'ala a deux mains, deux yeux et un visage? Ça, je viens juste de parler. Les mains et les yeux, j'en ai parlé. Le Coran et la Sunna. Le visage, c'est plein. C'est plein. Même c'est dans le Coran. Wayebqa wajhu rabbika. D'où le jalal ou l'ikram. Il a dit, ptira'a wajhillah. Ptira'a wajhillah. Allah a un visage. Allah a un visage. On ne dit pas comme disent les gens, le visage, ça veut dire Allah. Il y a le visage. Et bien sûr, le visage fait partie d'Allah. C'est quelque chose d'inséparable, qui ne sépare pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne dit pas le visage, c'est Allah. La différence entre celle et les autres. Les autres disent, il veut dire par le visage, il veut dire Allah. Nous, on dit non. Il y a le visage, c'est pas. Zatiya khabariya, comme il y a les deux mains, comme il y a les pieds, comme il y a les yeux. Et il y a Allah subhanahu wa ta'ala, son entité. Mais on ne dit pas, il a voulu dire par le visage, il a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est faux. Je l'ai déjà dit, inshallah ta'ala, une fois, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, et bien sûr, je n'oublierai pas de dire que pour les mains, les yeux, le visage, les attributs, sa descente, etc., que j'ai fait cela pendant peut-être 2 ou 3 mois consécutivement. On a fait des doros sur cela quand on est arrivé aux attributs. On sait chaque chose, chaque attribut, on a ramené ces dalils. Les dalils de la main, les dalils des yeux, chaque attribut, on en a parlé longuement avec beaucoup de détails. Et malgré cela, Inch'Allah Ta'ala, ça reviendra. Ça va venir dans les prochains doros, Inch'Allah Ta'ala, quand on va arriver, on les attribue avec leurs détails, on va, Inch'Allah Ta'ala, en reparler beaucoup plus longuement. Mais, Inch'Allah Ta'ala, on en a parlé avec beaucoup de détails. Je me souviens que j'ai beaucoup cherché pour yani joindre, pour yani faire venir yani tous les détails. Alhamdoulilah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. J'aimerais savoir, avant la création des cieux et de la terre, est-ce que les anges existaient déjà? Est-ce que Allah ta'ala... Lorsqu'Allah azzawajal a dit à Adam, il a dit aux malaïka, il a dit aux anges, « Inni ja'ilun fil ardi khalifa. » إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس به. Ici les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit voilà un délit que les anges, ce sont eux qui ont dit. Ils ont dit comment tu vas créer quelqu'un sur la terre alors que, ça veut dire, il va faire des meurtres et des crimes sur la terre. Ils ont dit les ulama, comment cela ont-ils su que il y avait des meurtres, etc., alors que Adam, c'est la première créature. Comment se fait-il qu'ils aient su? La plupart des ulama disent que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé les djinns. Les djinns, les shayatin, étaient créés avant l'homme. Vous savez que le shaytan était créé avant Adam. D'ailleurs, Adam, alayhi salam, avant que l'Azza wa Jalla lui insuffle l'âme, quand il était l'argile, il était comme ça, si je puis dire, en forme de statue, seulement argile, mais il était déjà formé, avec le visage, les yeux, les mains, mais il était en argile. Yani, il n'avait pas encore l'âme. Déjà, Iblis, le maudit, déjà rentrait de sa bouche et sortait de son derrière. Rentrait de sa bouche pour voir ce qu'il avait à l'intérieur d'Adam alayhi salam, et sortait de son derrière, comme ça disent la plupart des ulama, dont Ibn Kathir et les autres. Donc le shaitan existait déjà avant qui? Avant Adam alayhi salam. Donc, les djinns et les shaitans ont été créés, et bien sûr les anges aussi, ont été créés avant qui? Avant l'être humain. Ensuite, a eu l'être. Ensuite, Allah a créé les cieux et la terre, d'après le hadith vous connaissez. Ensuite, il a créé, le dernier jour, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Adam a.s. Un vendredi après Salat al-Asr. Un vendredi après Salat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, alayhi wa ala nabiyina, salatu salam. Inch'Allah, prochain sur Al-Fadlab. Shaitan Iblis, a-t-il des parents? Vous avez dit dans le drôle que l'âme sort du corps lorsque le musulman dort ou bat son âme. Elle fait saute ou elle ne fait saute? Elle fait saute ou elle ne fait saute? Naam, fait. Barakallahu fait. Naam. Maintenant, je vois que, Inch'Allah ta'ala, vous êtes en train de m'étendre, de m'entendre, pardon. Naam. Bon, avant de répondre à cela, je viens de vérifier que dans le sou'el, avant celui-là, j'ai pas répondu à une chose. Il a dit, est-ce que Allah Ta'ala istawa al-arsh avant la création? La azawajal istawa al-arsh après la création. Après la création. Inna rabbakumullah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ardh fi sittati ayyam, thumma istawa al-arsh. Thumma ça veut dire après. La azawajal khalaqa as-samawati wal-ardh fi sittati ayyam. La azawajal a créé les cieux et la terre et les montagnes et les mers, etc. en six jours. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Ensuite. Yani, il a commencé par la création, ensuite il s'est établi. Shaitan Iblis a-t-il des parents? Non, Shaitan Iblis a des parents. Il a des enfants, il se marie, il a un père, un grand-père. Il a comme nous, ils vivent comme nous. Non, ils vivent comme nous. Ils ont la progéniture, ce qu'on appelle. Ce sont des enfants, il y a un Shaitan qui est un père, il y a un Shaitan qui est un grand-père. Et comme ça, l'Azul a dit dans le Coran, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Est-ce que vous allez prendre le shaitan et ذُرِّيَّتَهُ et ses enfants et sa progéniture, yani, à ma place, vous allez les prendre comme alliés à ma place. Donc c'est un délit que le shaitan, il a quoi? Il a des enfants. Et puisqu'il y a des enfants, c'est que les enfants ont le père. Et comme ça. En ce qui concerne le shaitan, vous avez dans le dos lorsque l'âme sort du corps, lorsque le musulman dort, où va son âme? L'âme, lorsque quelqu'un dort, son âme se détache de lui, et plus cette âme vient de sortir d'un corps qui est pur, et d'un cœur qui est purifié, qui connaît Allah et qui l'aime, ils disent plus cette âme s'élève vers le ciel. S'élève vers le ciel pour qu'elle soit plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce sens que plus quelqu'un est pur, plus il voit des songes qui sont bien. Il voit le prophète alayhi sallam, il voit les sahaba, il voit le paradis, il voit ceci. Et plus quelqu'un, l'ami yuzaki nafsa, et plus quelqu'un a la souillure dans le cœur et ça, plus son âme, quand elle se détache de lui, elle reste seulement au-dessus de sa tête. Elle reste seulement au-dessus de sa tête et elle ne va pas loin. Ou peut-être même, quand elle se détache, elle descend vers le bas. Elle descend vers le bas peut-être. C'est pour ça, elle va peut-être sous terre où il y a six djinns. C'est pour ça que des fois, yani, ils sont yani, des malaises dans le songe. Ils sont qu'il est emprisonné, ils sont qu'il veut étouffer, ils sont qu'il... Pourquoi? Son âme n'a pas monté. Son âme n'est pas montée. Plus on est pur, plus elle monte. Plus elle va yani, vers le malakout. Et plus on est souillé, etc., plus elle reste seulement en train de tourner autour de notre tête. Et vous savez que dans le hadith sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré voir sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha et son gendre Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhuma, la nuit ils étaient en train de dormir. Il leur a dit: Vous ne vous levez pas, yani, pour faire la prière, yani, la nuit. Fadi Ali, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, inna anfusana biyadillah. Yani, insha'a raddaha wa insha'a lam yuraddaha. Ali, radiallahu ta'ala anhu, c'est basé sur le qadr, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit, Ali ici, c'est basé sur le qadr. Il a dit, yani, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand je dors, quand on dort, nos âmes ne sont pas chez nous, elles sont chez Allah. S'il veut, il nous les rend. S'il nous les rend pas, Allah Alib, je ne peux pas faire la prière. Il ne m'a pas rendu. Cheikh Islam a dit non. A dit Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, c'est basé ici sur le qadr. On ne doit pas faire cela. C'est pour ça que le prophète s'est énervé. il est sorti en se frappant les cuisses, en disant « Inna l'insana kana akthara shay'in jadala ». Il s'est frappé les cuisses. Il a dit « L'insan, il aime faire le jidal ». Moi, je lui dis de faire la prière, et lui, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Mon âme, et chez Allah, elle n'est pas revenue, il ne m'a pas donné, je ne peux pas faire la prière. Donc, le dalil que, Ali, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Nos âmes sont chez Allah quand on dort ». Voilà le dalil que je voulais donner. Inch'Allah, su'al akhar, tafaddal. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une personne que Allah subhanahu wa ta'ala ne restera pas avec lui en tête à tête. Bon, je ne peux pas dire tête à tête, car tête à tête, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a une tête. Ma tête et sa tête. Ma'adallah. Moi, je dis comme ça, yani, sans le vouloir. On veut dire peut-être en aparté seul, yani, Allah et cette personne. Naam, il n'y a pas une personne qui ne doit pas rester avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec lui seulement, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire quoi? Il va nous parler de nos dhunoub. N'as-tu pas fait ceci? N'as-tu pas fait cela? N'as-tu pas fait ceci ce jour-là? N'as-tu pas fait cela? Et bien sûr, tu vas baisser ta tête si tu es croyant, etc. Tu vas te taire, tu vas plus rien dire, tu vas avoir peur. C'est pas comme ceux qui vont faire le jidad, ils vont dire non, c'est pas vrai. Comme a dit l'Azul dans le Coran. Ils vont même jurer. Wallahi, j'ai pas fait. L'Azul je lui dira, ce jour-là, tu n'étais pas à 18h15 au bar, tu étais en train de boire la bière. Il va lui dire, wallah, que je n'étais pas. Wallah, c'est pas vrai. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'ils savent pas qu'il fait. Ma qadarullah haqqaqdri. Ils vont dire, non, wallah, que j'ai pas fait ça. Oh, c'est pas vrai. Moi, j'étais au bar. Moi, j'étais devant la mosquée. J'allais rentrer. Juste, j'allais faire le wudu. Ce jour-là, j'allais commencer la prière. C'est pas vrai. J'étais pas dans la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, dans le paradis, les gens parleront avec Allah subhanahu wa ta'ala, le verront, ou d'un yom aïdin navera, il a rebiha navera. Il a dit, wa alal ara'iki yandurun. Et aussi, parleront avec Allah subhanahu wa ta'ala, parleront avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba. Et comme j'ai dit, comme on dit les ulama, d'après la piété, dalil qu'ils parleront avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le dernier qui va sortir de l'enfer, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher du paradis. Et ensuite, vous connaissez le hadith, jusqu'à ce qu'il le fasse rentrer. Quand il va le faire rentrer, il va lui dire, « Ya Allah, qu'est-ce que tu vas me donner ?» Là, il va lui dire, « Tamanna, souhaite tout ce que tu veux. » Et alors, l'autre, il va commencer à souhaiter. « Je voudrais un palais, je voudrais la mer, je voudrais des chevaux qui volent, je voudrais ceci, je voudrais des femmes, je voudrais. » Le hadith, Sahih a dit, au point où Allah subhanahu wa ta'ala va lui rappeler. Il va lui dire, dis des mers de miel, dis des mers de jus. Tu n'as pas dit ceci, dis ceci. L'Azul va lui rappeler. Ensuite, quand il va terminer, il va dire, Khlas, tu es ravi, il va dire, Alhamdulillah. Il va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras ce que tu as dit et 10 fois plus. Tu auras tout ce que tu as dit et 10 fois plus. Donc c'est un délire que Allah subhanahu wa ta'ala va parler avec les gens. Il a parlé avec celui-là, et celui-là c'est qui? Celui-là c'est quelqu'un qui vient de sortir de l'enfer. C'est le dernier à rentrer au paradis. Si Allah Azza wa Jal va parler avec le dernier qui va rentrer au paradis, qu'en est-il de ceux qui vont rentrer les premiers au paradis? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de ceux qui rentreront les premiers au paradis sans hisab, sans calcul, wa la iqab, ni châtiment. J'oublierai pas ici de dire que certains ou là beaucoup de gens disent que Allah subhanahu wa ta'ala parle en arabe dans le paradis. Ça, il faut savoir que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala parle en arabe. Certains se basent sur waqila salaman salama, et d'autres disent que Allah subhanahu wa ta'ala il va lire sourate ar-Rahman dans le paradis. Tout ça aussi, ce n'est pas vrai. On ne sait pas avec quelle langue Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler. Peut-être en arabe, c'est la langue la préférée, mais on n'est pas très sûr, tant qu'il n'y a pas de dalil. L'essentiel, c'est que tout le monde comprendra Allah subhanahu wa ta'ala quand il parlera. Quand il parlera le jour du jugement dernier, c'est le hisab, devant la balance, et au paradis, et dans tous les endroits, tout le monde comprendra. L'arabe, l'allemand, le français, le juif, l'anglais, tout le monde comprendra, le chinois, le japonais, tout le monde comprendra ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parce que c'est lui qui a créé les langues. C'est lui car c'est les langues. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatin lil-alimin. Dans un autre verset, dans une autre version, inna fi dhalika la ayatin lil-alamin. L'alamin au lieu de l'alimin. Ça c'est Hafs wa Warsh. Donc, ces langues-là, toutes les langues, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas étonnant que, yani, on comprenne tout, yom al-qiyama. Tfaddal, inshallah, prochain sou'ad. Salam, on entend souvent au Maghreb et plus souvent au Maroc, les gens décrivent là en disant Allah ya Maulana. Quel est le statut de cet attribut qui permet de le dire comme ceci se fait en jouant avec les enfants? Est-ce qu'il est possible d'expliquer ceci en français rapidement? J'ai pas compris que ça veut dire avec les enfants. J'ai pas compris que ça veut dire avec les enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire de lui Maulana. Naam. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين الذين آمنوا et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans sa غزوه مشهوره qu'est-ce qu'il a dit dites à Abu Sufyan dit lui الله مولانا ولا مولى لكم dites الله مولانا donc en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala on peut dire qu'il est مولانا et qu'il permet de le dire comme ceci comme ceci se fait en jouant avec les enfants. C'est-à-dire en jouant, on leur dit Allahu Maulana, tu veux dire comme ça, en jouant, on leur dit, en chantant non, Allahu Maulana. Si c'est, je ne sais pas exactement ce que disent les gens pour faire dormir les gens, mais s'ils disent quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la aqida, s'ils disent quelque chose qui est de norme, s'ils disent Allahu Maulana ou quelque chose, n'est pas en contradiction avec l'aqida, ensuite, ne la dit pas tous les soirs. Ne la dit pas tous les soirs pour que l'autre ne croit pas que ça, c'est la sunna. Quand tu répètes à un enfant la même chose chaque soir, il va dire, donc ça, c'est une sunna, c'est du din. Donc si je vais grandir, je vais dire aussi ça. Allah, Allah, ya Maulana. Je ne sais pas comment qu'il dit ça. Peut-être qu'il dit ça en chantant ou là, et peut-être ça rentre dans la bida. Non, peut-être ça rentre dans la bida. Moi, je croyais que quelqu'un dit, par exemple, Allah Moulana, Tawakkal Allah ou Shimad Qabil. Mais quelque chose comme ça, je ne sais pas. J'ai peur que ça rentre dans la bid'a. Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Et se baser sur comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir. On apprend à un enfant qu'avant de dormir, voilà le dua qu'il dit. Allahumma rabbi bismika wa dahtu janbi wa bika afa'u in amsikta nafsi farhama. وإن أصلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أو الحديث باسمك الله أموت وأحيا أي الأحاديث كي إكزيست سا سي لا ميور دي شوز بوكوا سو سون دي زادوراسيون يعني كي فيان دو بروفيت صلى الله عليه وسلم دي حديث كي فيان دو بروفيت صلى الله عليه وسلم سي ميو كو دانفونتي دي شوز اون بو رونتري دون ليليسيت سون لو فولوار اون بو رونتري دون لا بيدا سون لو فولوار مي سي اون لو دي اون فوا او لا دو كوم سا اون دي كيلك شوز qui n'est pas grave, qui n'est pas en contradiction avec la aqida, ça ne fait rien. On dit une fois, un enfant, on lui dit quelque chose. Non, on ne doit pas chanter, on ne doit pas chanter avec les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas chanter avec les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal, prochain sou'al, inshallah. Pouvons-nous voir Allah dans un rêve ou lui parler? Pouvons-nous voir Allah dans un rêve ou lui parler? Et que connaissez-vous de l'Abd Qadir Jilani, le saint et de l'imam Ahmed qui aurait vu Dieu en rêve? Al-Sunna ou Jama'a on dit, il est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Ce sont les égarés qui disent on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, authentifié par Sheikh Al-Albani, s'est levé une fois la nuit. Il a dit, رأيت ربي في أحسن صورة. J'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala dans sa meilleure image. J'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala في أحسن صورة. Ça veut dire je l'ai vu où? Je l'ai vu dans le songe. Certains égarés disent, puisque le prophète alayhi sallam a dit j'ai vu Allah, donc on peut le voir même sans en étant, sans être, yani même en éveil. Je suis éveillé, je peux voir Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est du kufr, et c'est de l'égarement. Allah Azza wa Jal Salaf, Madhab al-Salaf Jama'a, il est possible qu'on le voit dans quoi? Dans le songe. Les ulama ont dit, comme a bien expliqué Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit, mais voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le voir avec le cœur. Tu sens dans ton cœur que tu l'as vu, ou qu'il t'a parlé, ou que tu lui as parlé. Ensuite, Ibn Hajj al-Asqalani a dit des choses dont je ne suis pas très convaincu. Il a dit, par exemple, s'il voit Rabbahu, par exemple, s'il voit son Dieu dans une forme ceci, ça veut dire ça, là. S'il voit dans une forme de vieux, ça veut dire ceci, ceci. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas très convaincant. Mais il voit un sunnah al-jama'a, se basant sur le premier hadith, on dit que c'est possible que quelqu'un, il se réveille, qu'il sente dans son cœur que, yani, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il lui a dit, par exemple, de bouchra, il lui a fait une bouchra, par exemple. Al-Sunnah al-Jama'a disent, c'est possible. Donc, que connaissez-vous Abd al-Jinani, ils disent que c'était un alam, etc. Mais maintenant, cette personne, ma'al asif, les gens l'ont déformé, et ont fait de lui un wali, ont fait de lui quelqu'un qu'on adore avec Allah. Ils prennent des bougies et des œufs, et vont là-bas, de tourner devant sa tombe, et lui demander qu'il leur donne des enfants, et qu'il les rende riches, et qu'il leur enlève les problèmes, et les mashakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Alors que lui, il n'a rien à voir avec ces choses-là. C'était un savant. Il est mort. Il n'a pas dit aux gens de faire ceci de lui. Ce sont les égarés et les innovateurs qui ont fait ça de lui. Naam. Et la même chose pour l'imam Ahmed, qui, ils disent qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Et ce n'est pas étonnant. Fadlan, inshallah, autre chose. Attend des péchés lorsque notre esprit se met à imaginer Allah ta'ala. Lorsqu'on essaie de combattre cette pensée. Et comment faire pour couper court à ces ouswas? Naam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jama, il a dit, La tatafakkaru fi Allah. La tatafakkaru. Wa tafakkaru fi ala'ih. Ne pensez pas, ne méditez pas en Allah. En lui. Fi dhati, en son essence, en son entité. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas arriver. Mais méditez en ces créatures. Regarde les cieux, comment ils tombent pas, subhanallah al-azim. Regarde les étoiles. Regarde le soleil. Regarde la lune. Regarde la terre. Regarde les arbres. Regarde. Voilà ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on commence, on essaye d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous arrive à nous tous, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu te souviens, tu dis A'udhu billahi min shaitanir rajim, tu te tournes vers ta gauche, tu craches trois fois. Tu craches trois fois sur ta gauche, tu dis Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulid, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pardon, avant cela, tu dis Amantu billahi bi rusulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulid, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Si tu ne sais pas cela, au moins, tu craches et tu dis A'udhu billahi min shaitanir rajim. Pourquoi? Il y a un shaitan spécialement, c'est ça son but, c'est de venir te dire, yani Allah, comment est-il fait, etc. Jusqu'à ce qu'il te dise, et qui a créé Allah, et subhanallah, comment est Allah, comment il est venu, il n'y avait rien, ou là, comment ça s'est passé. Yani tous, on est venus, yani de nos aïeux, Allah subhanahu wa ta'ala, comment puis-je imaginer qu'il était fil azal. Il a toujours été. C'est un peu difficile. Alors, Shaitan, il vient par cette porte, par cette fenêtre, jusqu'à ce qu'il veut que tu deviennes kafir. Il veut que tu dises khalas, donc moi je ne crois plus. Ah, c'est difficile, donc il vaut mieux que je m'en éloigne, je ne crois plus en Allah. Allez, j'arrête là. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais tu dois toujours te souvenir que c'est un Shaitan. C'est un Shaitan qui veut quoi? Qui veut te faire suivre le mauvais chemin pour partir avec lui à Jahannam ou l'ayyadu billah. Allah Azza wa Jalla a dit, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من شيطان تذكروا يعني يتسوفيان تريفيت فإذا هم مبصرون إلى دي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم dès que tu sens le shaitan qui commence à te parler de Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce que je t'ai dit, le dua que je t'ai dit, ou bien tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu vas quoi faire? Tu vas essayer de te faire oublier ou bien en lisant un livre, ou bien en discutant avec quelqu'un, parce que tu vas, bismillah, une minute, deux minutes, tu vas tout oublier, inshallah ta'ala. Tfadlal, inshallah. Wa alaykoum salam, inshallah. Le cheikh Cheikh Al-Outhaymine dit que quand on prend Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, le premier est un attribut d'Atiya, et le deuxième, Fi'liya. Et quand on les prend séparément, c'est d'Atiya et Fi'liya. Existe-t-il d'autres attributs comme ça lorsqu'on en compose avec notre, il change. Qu'Allah vous préserve. Naam, ce qu'a dit Cheikh Ibn Outhaymine, la yahmou, ce qu'a dit Cheikh Ibn Outhaymine, en fait, il l'a pris, la yahmou, de ce qu'a dit Cheikh Ibn Al-Qayyim. C'est Cheikh Ibn Qayyim, Ibn Al-Jawziya, Ibn Qayyim Jawziya, qui a dit ça. Il a dit Rahman, c'est ça, Zatiya. Ça veut dire que ça, Rahman, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même, il est Rahman. Et Rahim, il est Rahim par rapport à ses créatures. Il est Rahim, Yarham, il fait la Rahma à ses créatures. Mais Rahman, c'est lui. C'est quelque chose de son entité et de son essence. Je ne connais pas d'autres attributs qui sont comme ça. Je connais seulement celui-là que j'ai lu chez Ibn Qayyim et chez Cheikh Ibn Uthaymin aussi. Allah yarhamouma. Naam. Je dois arrêter une seconde, il y a ce qu'il est fonti. Allah barakallahu fikoum. Tfadlal, inshallah, prochain soual. Tfadlal. Personne, combien de noms Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il? Personne ne sait, il ne peut prétendre qu'il sait exactement combien Allah subhanahu wa ta'ala a de noms. Maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait cela, il n'a pas mentionné. Il n'y a pas un hadith où le prophète alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait par exemple 1000 noms ou la 1500 ou la 1800. Il n'y a pas cela. Il y a seulement un hadith. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, quiconque les sait, les apprend, les connaît, etc. En même temps, ça veut dire qu'on est leur sens et les applique, ira au paradis. Mais j'ai montré et dit plusieurs fois que ce hadith ne veut pas dire qu'Allah ta'ala n'a pas plus de 99 noms, et j'ai expliqué pourquoi. Si vous voulez que je vous réexplique, sinon, inshallah ta'ala, on passe. Quel est, inshallah ta'ala, le prochain soual? Tfadlal. Pouvez-vous expliquer la différence entre attributs et noms? Pouvons-nous les dénombrer? Chaque nom a un attribut. Et pas chaque attribut a un nom. Chaque nom a un attribut et pas chaque attribut a un nom. C'est pour ça que les attributs sont beaucoup plus nombreux que les noms. Maintenant, si les noms, on ne les connaît pas, comment peut-on connaître les attributs qui sont plus nombreux que les noms? J'ai dit les noms, on ne connaît pas le nombre. Qu'en est-il des attributs? Pourquoi? Parce que chaque nom a un attribut et pas chaque attribut a un nom. Donc il y a beaucoup d'attributs sans avoir de nom. Le nom, il doit comporter quoi? Il doit comporter un attribut et il doit se trouver dans le Coran et dans la Sunna. Il doit se trouver dans le Coran et la Sunna. Quand on dit par exemple Ar-Rahman, on dit par exemple Rahman, il doit comprendre quoi? C'est quoi son attribut? C'est que lahu rahma. Rahman, lahu rahma. Quand on dit l'aziz, il a l'attribut de l'izza. Quand on dit le ghafour, son attribut c'est maghfira. Quand on dit le hakim, son attribut c'est le hikma. Mais tu peux dire par exemple, tu peux dire un attribut sans qu'il y ait deux noms. Par exemple, quand Allah Azzawajal a dit, en parlant de Maryam, wa nafakhna fiha min ruhina, nafakhna. Voilà, il s'est décrit comme quoi il a insufflé, wanafakhna. Et pourtant, il est interdit que tu dises Allah Ta'ala de ses noms, c'est l'insuffleur. C'est interdit. Pourquoi? Ça n'existe pas dans le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'ils disent les attributs, c'est beaucoup plus vaste que les noms. Tu peux attribuer à Allah Subhanahu wa Ta'ala un attribut et tu ne peux pas dire son nom. Il n'y a pas de nom. Comme par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, Usama'a banaynaha bi'aid. Le ciel, on l'a construit bi'aid. Bi'aid ici, ça veut dire bi'quwa, de force. Avec quwa, avec puissance. On a construit le ciel. Et pourtant, c'est interdit de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est un constructeur. C'est interdit. Là, je l'ai dit, on a construit. On n'a pas dit je suis le constructeur. C'est pour ça, beaucoup de gens, les pauvres, hein, beaucoup de gens, quand ils parlent avec des qui n'ont ni aqida, ni rien, en parlant par exemple d'Allah, ils disent n'importe quoi. Ils disent par exemple, n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le directeur. qui est pas différent, on peut dire, de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un directeur. L'autre, il va te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'architecte. C'est l'architecte de ce monde. C'est l'architecte. Qui t'a dit qu'on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'architecte? Ce sont des noms. Les noms, on ne peut pas yani, les tirer de notre tête. Wallahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Inch'Allah, inch'Allah, il reste 20 minutes. À minuit 30, inch'Allah, je enferme la salle. À minuit 30, il reste 20 minutes chez moi, inch'Allah, ta'ala. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Un livre parle de la porte d'Allah. Est-ce que vous avez déjà lu ou entendu cette baraka? Vous avez entendu cela, barakallahu fik. Le livre Sahih Fiqh Sunna de Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salam. Est-ce que ce livre est une bonne référence? Barakallahu fik. Lorsque les gens parlent de la porte d'Allah, on peut en parler. Bab al-akhbar ou l'ikhbar aydan. Car ça ne rentre pas dans les sifat, ça ne rentre pas dans les attributs. Quand il dit par exemple, je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre ses portes. Là, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Premièrement, tu as fait un doua. Deuxièmement, tu n'es pas en train de parler dans la aqida et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de ses attributs, c'est la porte. Comme Allah azza wa jal, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Khalid ibn al-Walid, Sayfun min suyuf Allah al-Maslula. Khalid ibn al-Walid, c'est une épée des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une épée. Khalid ibn al-Walid, c'est une épée des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la aqida, vous ne dites pas que Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatihi, l'épée. Mais ici, yukhbir. Bab al-akhbar, awsa' min bab al-sifat. C'est pour ça que tu peux dire des choses comme ça d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas dans le nom, les noms et les attributs. Dans l'ikhbar, tu es en train d'informer. Le livre Sahih Fiqh Sunna de Abu Malik, je ne l'ai pas lu, je l'ai seulement feuilleté. Il m'a assez plu. Naam, c'est un bon livre, il m'a assez plu. Bien sûr, il lui manque des choses, mais il est, masha'Allah, il est bien, il m'a assez plu. J'ai un peu lu de lui, pas beaucoup. Seulement lui, des fois, yani, il rajah comme ça directement des choses. Et bien sûr, lui, il est libre, il a écrit le livre. Il doit faire le tarjih le plus juste de ce qu'il voit lui que c'est le plus juste. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit dans le livre, c'est le plus juste. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mais c'est un bon livre, inshallah ta'ala. Fadla, inshallah, prochain sourate. Naam. Je disais que Ilyas alayhi salam, c'est un prophète. Ilyas alayhi salam, sallallahu alayhi, c'est un prophète. Il est cité parmi les prophètes. Et quand vous lisez, par exemple, Sahih Qasas al-Anbiya, le livre de Salim Lilali, vous trouvez que yani, il y a sa vie assez détaillée. La question, l'histoire des corbeaux qui lui ont donné à manger, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais lu. Peut-être qu'elle existe, mais moi je la connais pas. Si je vais la lire un jour, inshallah ta'ala, je vais vous dire. Maintenant, je la connais pas. Concernant le fait de rêver le prophète, alayhi salam, est-ce que nous pouvons avoir plus d'informations? Que veut dire si une personne rêve du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Comment se fait-il que les corbeaux soient gentils? Bon, je disais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est possible de le voir en rêve. Il est possible de le voir en rêve. Il ne peut le voir que quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui n'est pas pieux et qui boit de l'alcool, ne fait pas la prière. Ou là une femme qui, par exemple, ne sait pas ce qu'elle fait. Ces genres de gens ne peuvent pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des plus beaux et grands yani, cadeaux que Allah Azza wa Jalla peut donner à une personne ici dans cette vie pour lui faire la bonne nouvelle. Car quiconque voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie, ça veut dire qu'inshallah ta'ala, il va le voir dans l'au-delà, et ça veut dire aussi, par implication, qu'il va rentrer au paradis. C'est une bouchra. Allah Azza wa Jalla a dit, « Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yattaqun, man alladhin... » الذين آمنوا وكانوا يتقون فسيلزون لهم بشرى في الحياة الدنيا. البروفيت عليه الصلاة والسلام قال لهم البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الذي في لوسك الله عز وجل في voir quelqu'un يعني ou à quelqu'un de pieux, il lui fait voir quelque chose dans le rêve, quelque chose يعني qui lui plaît. Par exemple, il voit, et il n'y a pas quelque chose de, qui peut nous plaire plus que voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une conclusion, j'en ai longuement parlé, j'ai dit une fois que quiconque yani, par exemple, fait la zina, ou là, c'est un voleur, ou là, il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui dire que tu t'es trompé, mon frère, tu t'es trompé, tu l'as pas vu. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, quand quelqu'un lui disait, j'ai vu le prophète alayhi sallam, il lui disait, décris-le-moi. Quand il lui disait, par exemple, il a les yeux bleus, ou il a les cheveux blancs, ou la grande de taille, il lui dit, arrête, tu t'es trompé, c'est pas lui. C'est pas lui, pourquoi? Parce que le prophète sallam n'avait ni les yeux bleus, ni grande de taille, il était moyen, ni, par exemple, petit de taille. Donc, c'est pas lui que tu as vu. Mais, le prophète alayhi sallam a dit, et voilà ce qui trompe les gens, a dit, quiconque me voit dans le songe, ça veut dire qu'il m'a vu. Car le shaitan ne peut pas se mettre à ma place. Le shaitan ne peut pas se mettre à ma place. Or, ceux qui n'ont pas bien compris ce hadith ont cru que tout ce qu'ils verront dans le songe, qui leur dira dans le songe, toute personne qui leur dira dans le songe que je suis le prophète, alayhi sallam, donc ça veut dire que c'est le prophète. Car le shaitan ne peut pas venir à la place et c'est le hadith qui a dit cela. Alors que le sens du hadith, de ce hadith, c'est pas cela. Le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une certaine description. Je venais de dire, il n'est ni grand ni petit. Il a les yeux noirs. Il était blanc de peau. Les joues roses. Large d'épaule. La barbe touffue. Pas beaucoup de cheveux blancs dans la barbe. 12 ou 13. Dans tout ce qu'il avait, 12 ou 13. Donc, le prophète Hassan a dit, qui me voit dans le songe, ça veut dire il me voit moi, ça veut dire il m'a vu. Le shaitan ne peut pas se mettre à ma place, ça veut dire le shaitan ne peut pas venir avec ma description, comme je suis. Moyen, cheveux noirs, large d'épaule, barbe touffue, il ne peut pas faire le shaitan cela. Mais le shaitan, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir sous une autre forme. Non, mais il te dit, c'est moi le prophète. Il peut venir avec quelqu'un de grande taille, comme je viens de dire, ou de petit, ou de mince, ou de yeux bleus, ou bien cheveux blancs, bien avec une cigarette dans la main. Ah là, il peut le faire le shaitan. Mais le shaitan, ce qu'il ne peut pas, c'est venir dans la vraie description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas demandait aux gens, il lui dit, décris-le-moi. S'il lui dit, il est grand, ou là, il a les yeux bleus, là, il lui dit, là, c'est pas lui, tu l'as pas vu. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de ce hadith et quiconque leur vient dans le sens, ils disent c'est moi et disent là, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, j'ai des questions. Où se trouve Allah Ta'ala avant qu'il crée les cieux et les terres? C'est comme dans le Bukhari, « كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله » Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été. Il n'y a jamais eu quelqu'un avec lui ni avant lui. Allah subhanahu wa ta'ala, où était-il? Il était, et comme il a dit, c'est Ama, mais je ne sais pas comment on dit ça en français, mais Allah subhanahu wa ta'ala était et a toujours été avant qu'il n'y ait quelque chose avec lui ou là quelqu'un. Il n'y avait rien, il y avait le néant, Allah subhanahu wa ta'ala était fil azal, fil azal. Et, yani, penser à des choses pareilles, ça ne te donne pas beaucoup de résultats, ni ça agrandit ta foi. Yani, parce que ça fait rentrer dans le ouest. Le chaos. Le chaos. Car ça fait rentrer dans le ouest. Comment Allah subhanahu wa ta'ala c'est le premier? C'est difficile. Hein. Comment c'est le premier? Si je vais passer des heures à chercher, essayer d'imaginer comment c'est le premier. C'est impossible. Tu perds ton temps. Au lieu d'essayer de savoir comment c'était le premier sira, va lire un livre, va lire Riyad Salihin, ou bien lis Sourate al-Baqara, son début, ou bien lis Sourate al-Mulk. Chauffe combien tu vas gagner de hasana avec chaque lettre. Chaque lettre, tu as combien? 10 hasanat. Chaque lettre. Au lieu de perdre le temps dans des choses qui vont pas. Si au moins, ça n'augmentait pas la foi et ça restait là. Mais ça, c'est le malheur, c'est que non seulement ça n'augmente pas la foi, mais ça fait rentrer dans le ouswas. Voilà le mouchkil. Ensuite, on a des ouswas et des problèmes. C'est quoi un murji'a? Un murji, c'est quelqu'un qui appartient à une secte égarée, qui dit que l'amal, jins l'amal, laissa min l'iman. Ils disent que il te suffit, pour être musulman et croyant, il te suffit de dire, yani dans ton cœur, attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un, et que son prophète, Muhammad al-Sallam, est un prophète, et tu le dis seulement avec ta bouche. Tu dis, shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammadan abdu wa rasuluhu. Même si tu ne fais aucune action qu'aime Allah, ou même si tu fais toutes les actions que Allah n'aime pas. Ça s'appelle murji'a en arabe, du verbe arja'a. Arja'a, qu'est-ce que ça veut dire? Il a reculé. Hein? Il a reculé. Comment dit l'Azul dans le Coran? Oulaika murja'una ila amrillah. Murja'una. Il parle de certains gens, il a dit, cela, leur cas, va être, yani, ultérieurement, pas maintenant, ultérieurement, quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on quelque chose, on la laisse pour la prochaine fois, pas maintenant, après. Maintenant, le murji'a, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé les actions. Ils ont dit les actions, ça rentre pas dans les imams. On les laisse, yani, akharuhum, arja'uhum. Voilà pourquoi on les appelle les murji'a. Sur la prochaine question, inshallah. En France, la loi interdit les musulmans de faire le sacrifice eux-mêmes pour l'Eid al-Adha. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est la première fois que j'entends cela. Nous devons acheter un mouton déjà mort à la boucherie. Quelle est la règle alors que nous ne savons même pas qui l'a tué et s'ils ont sacrifié après Salat al-Eid. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Naam. والله العلي العظيم يعني راكم عايشين في مصايب انتم راكم عايشين في مصايب ومشاكل كبيرة جدا لكن نوبليي با ان شاء الله تعالى دو بونسي بوك ولا هجرة نوبليي با دو بونسي بوك ولا هجرة pour ان شاء الله تعالى quand vous mourrez ان شاء الله تعالى vous trouverez الله سبحانه وتعالى ravi de vous car vous connaissez tous le verset 97-99 sur النساء. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je dis à peu près en français, il a dit en arabe, il a dit, comme c'est dans le verset. Il a dit à peu près en français, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes, yani pour les faire mourir, en disant, où étiez-vous? Yani, qu'est-ce que vous faisiez? Question de religion, où étiez-vous? Alors, nous étions impuissants sur terre. Nous étions impuissants. Alors, les anges diront, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَ فَتُهَا جُرُوا فِيهَا. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà, là, je l'ai dit, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. À l'exception, bien sûr, des impuissants. Comme les hommes, les femmes, les enfants incapables de se débrouiller seuls et qui ne trouvent aucune voix. Cela, Allah Azza wa Jal leur pardonnera, bismillah. Donc, l'insane, toujours, il met entre ses yeux que la prochaine, dès qu'il a l'occasion, inshallah ta'ala, il quitte le pays où il n'entend pas d'adhan. Il quitte le pays où il n'égorge pas le mouton. Il quitte le pays où, quand je sors dans la rue, je me sens faible. Je suis pas chez moi. Et je commence à parler là, on me dit, tais-toi, espèce de kada, tais-toi. Et va chez toi, espèce de kada. Je me sens animé de l'eau. Alors moi je voudrais être où je me sens l'izza. Innama l'izza d'Allah wa li rasuli wa li mu'minin. Je voudrais être où je me sens, on se sent tous égaux. Je voudrais pas être dans un pays où je me sens, yani, avilé. Moi je peux même pas égorger un mouton, la hawla wa la quwwata illa billah, ni faire le adhan. Et alors personne ne m'a dit, ni ne m'a enchaîné pour que je reste parmi eux. Personne ne m'a enchaîné. Je ne vis qu'une seule fois sur cette vie. Je voudrais la vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je voudrais être dans un pays musulman où je sens, tu sens ta foi, yani, toujours stable, masha'Allah ta'ala. Moi, des frères et des sœurs m'écrivent tout le temps, tout le temps. Ils me disent, et je dis, la hawla wa la quwwata illa billah, ils me disent, yani, ici où on est, d'un instant à l'autre, on peut yani, comme ils disent avec le kalmari, on peut yani, rentrer dans le gouffre, on peut tomber dans le gouffre. Naam, c'est plein de fitnes. Moi, je n'ai pas vu, j'ai été seul, une fois dans ma vie, j'ai été à Marseille. Je parle de la France, bien sûr. Mais, yani, il y a des choses horribles, étranges, des choses, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, chaque air, chaque ukht, inshallah, comme vous avez entendu une fois la cassette que je vous ai passée de Cheikh Abdel Ghani Aouisset, qu'est-ce qu'il vous a dit? Inch'Allah ta'ala, je vous la ferai réécouter. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, dès maintenant, commencez, Inch'Allah, à amasser un peu d'argent pour vous préparer pour aller dans un pays où, Inch'Allah ta'ala, vous serez là-bas accueillis. Yani, vous avez votre argent pour acheter une maison, pour pouvoir travailler, ou là, ouvrir une épicerie, ou là, et pour vivre, Inch'Allah ta'ala, votre islam. Vous ne vivez qu'une seule fois. Ne vous laissez pas, yani, oublier dans le pays des coffres. Maintenant, j'oublierai pas de dire qu'il y a une sœur qui s'appelle ici Bent Hashmi. Il y a une sœur ici qui s'appelle Bent Hashmi. Je crois qu'elle est avec nous ici dans la liste. Je vais vérifier si elle est là. Si elle est là, Bent Hashmi. Je demande aux autres de chercher avec moi si elle est là, Bent Hashmi. Voilà, elle est là. Bent Hashmi dit que il y a un couple qui, inshallah, ils ont fait ce qu'on appelle la hijra, mais ils sont partis au Yémen. Moi, j'ai toujours dit que le Yémen, c'était pas facile. Tous ceux qui m'ont demandé la nasiha pour le Yémen, j'ai dit ne partez pas au Yémen. Le Yémen, il part quelqu'un qui est célibataire. Il a 20 ans, 22 ans, il dort dans le sable, il dort sur un arbre, il dort partout. Là, il s'en fout, il mange pas. Et quand quelqu'un part en couple avec les enfants, etc., surtout il part de France, il part d'un pays où il était, yani, en parenthèse, à l'aise, ce qu'il va là-bas, c'est très difficile. Donc, Bint Hashmi, ceux qui veulent la contacter, en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle connaît un couple qui est parti au Yémen, de France, et que là-bas, ils vivent, yani, le calvaire et la misère, et ils veulent pas revenir en France, ils veulent aller en Algérie, ou dans un pays musulman, ceux qui veulent l'aider, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'ils sortent de ce pays là-bas, où ils sont vraiment dans les mashakil, ils sont vraiment dans les problèmes. Imaginez un couple là-bas avec des enfants, qui n'ont ni où manger, ni où dormir, ni je ne sais pas quoi, et ils veulent partir en Algérie pour ceux qui l'aident, qui veulent aider en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils contactent la sœur Bint Hashmi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Je vais lui enlever l'affaire. Vous pouvez vous contacter, même avec le point rouge. Non, vous pouvez la contacter. Inch'Allah ta'ala, elle vous dira ce qu'il faut faire. Je disais pour l'Aïd, on revient à l'Aïd. Tu achètes chez quelqu'un qui est musulman. Si tu sais que celui-là, c'est un musulman, tu achètes chez lui, Inch'Allah ta'ala, la viande est halal. La viande, bi'idna ta'ala, est halal. Tu achètes seulement qui est un musulman, voilà. Tu vois, c'est un musulman et ne te fais pas, Inch'Allah Ta'ala, des soucis. Une autre question, Inch'Allah Ta'ala. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire, Mawlana. Le Mawla en arabe, ça a deux sens. Subhanallah al-Azim, ça a deux sens et deux sens contradictoires. C'est à peu près comme lorsqu'on parle de Haïd. Haïd. C'est quoi Haïd? Pardon, on parle de Haïd. Quand on parle de Qur'an, ثلاثة قروء يتربصن ثلاثة قروء قرء سي صابو دير حيض اون عرب اي صابو دير طهر صابو دير مونسترو اي صابو دير بيوريفيكاسيون سبحان الله العظيم مي دون لا شريعة صابو دير كو صابو دير سون صابو دير مونسترو مي اون عرب ليتيرا اون بو دير لو مو حيض بور مونسترو اون بو دير لو مو حيض بور بيوريفيكاسيون مولانا دونك يا دي مو اون عرب كوم سا كي اون لي دو سونس سون سونس سي لو كونترير son sens et son contraire. Il y a aussi ça dans le Coran lorsque l'Ajoul a dit il a asfar. Je crois qu'il a dit il a asfar. Non. Maître et esclave. Voilà ce que je voulais dire. Maulana, c'est des fois ton maître et c'est des fois ton esclave. Tu dis nafa, maula, عمر ولا مولى ابن عمر صافي سون اسلاف نافع مولى ابن عمر سي سون اسلاف مي اون بارلون دو الله سبحانه وتعالى كون تو لومبلوا تو دي مولانا صافي دير ماتر صافي دير ماتر سي با اسلاف بيان سور است كون بو دير دون بيرسون كي لي ميزيريكورد نعم اون بو دير دون بيرسون كي لي كوا كي لي رحيم لازوج ادي اون بارلون دو بروفيت عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم on peut même dire le verbe yaghfir. Tu peux dire à quelqu'un ghafartu lak, je t'ai excusé, ghafartu lak. Tu peux dire à quelqu'un ghfirli, excuse-moi. Ça se dit en arabe. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran qul lilladhina amanu yaghfiru, qul lilladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyam Allah. Dis aux croyants de yaghfiru, ils font la maghfira à ceux qui, yani au kuffar, à ceux yani, de les excuser. Donc on peut utiliser ce mot en arabe et en religion, et ce n'est pas yani, grave, inshallah ta'ala. Je n'ai plus de questions par rapport au cours, ils ne sont pas intelligents, ils peuvent tout poser. Tu ne peux pas poser parce qu'inshallah ta'ala, intaha al-waqt, il est déjà minuit 30 bi'ilna subhanahu wa ta'ala. Mais je vais rester ici, si tu veux. Naam. D'accord, on arrête, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, lundi. On se rencontre, inshallah ta'ala, lundi, dans le dars des hadiths ou bien du fiqh. Le dars des hadiths ou bien du fiqh. نقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم إن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء سبحانك اللهم وبحمدك